Bonjour à tous et bienvenue aux pérégrinations des phylactères. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga édité chez Glénat, éditeur reconnu et historique, Blue Giant, le géant bleu de Shinichi Ishizuka. L'histoire d'un jeune homme plein de vie et plein de fougue qui découvre la musique jazz. Je suis donc avec... Alors, je peux pas vous laisser dire ça. Je pense que avant tout, c'est un jeune homme qui découvre le jazz. Et de par lui-même, je veux dire, en plus, on a un côté très onaniste au niveau de la musique. Oui, un onanisme autodidactique. Mais fermez-la ! On est sur Casse sur Table ici, pas France Culture ! Bordel de merde ! Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Casse sur Table. Avec moi aujourd'hui, autour de la table des nouveautés, je suis avec Issam qui en a plein la bouche ! Salut ! Non, ça va. Nécro ! Salut ! Alex ! Oui ! Comment allez-vous, messieurs ? Ça va. Quand on dit plein la bouche, c'est du gâteau. Hein. Oui. Quand on sait pas vous faire des films sur ce qu'on fait entre hommes. Oui, c'est comme ça que je l'appelle pour Issam. Gros éclair. Oh mon Dieu. Petit gâteau. Et on vous présente notre cinquième participant, Hans. Bonjour. Je suis heureux d'être là. Vous savez qu'aucun autre podcast ne m'accepte. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être invité, enfin invité régulier maintenant dans ce podcast ? C'est un grand honneur d'être invité régulier de votre émission. Je me sens revivre, je me sens de nouveau jeune, je me sens comme en 40, c'est reparti. Maintenant je comprends pourquoi je te paye pas. Je me suis solidarisé de cette émission. J'ai été contacté par Cyril Hanouna pour participer à son émission. Il dit qu'il aime beaucoup mon état d'esprit. Parce que donc vous êtes fan Zouz, c'est ça ? Ah bien sûr, depuis le tout début, j'aime beaucoup l'esprit d'intolérance qui règne dans ce genre d'émission. Je trouve que c'est des valeurs très saines à enseigner à nos enfants. Très bien. Mon Dieu. Il y a aussi l'humiliation. Hein, bon Hans, on va vous mettre de côté un petit peu, parce que vous avez pas lu beaucoup cette semaine. On sait pas son actualité, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Merde. Alors en ce moment, je suis en procès. Du côté de Nuremberg pour une sombre histoire de trafic d'étoiles. Très bien. Mais je fais m'en sortir. J'étais chez des relations en Uruguay. Et puis aux USA aussi, je crois. Aussi. Oh la vache. Très bien. Difficile de reprendre. C'est difficile de continuer. Je tiens à signaler que c'est vous qui m'avez incité hein, sur ce coup-là. C'est difficile de reprendre après ça. Merci Hans. On fera appel à vous si on en a besoin. De rien, volontiers. Hello. Et Issam, quelle est ton actualité ? Pas grand chose. Te gourre pas d'accent en parlant. Non, rien de notable de mon côté. Toujours la même chose, hein, on va pas se répéter d'une fois sur l'autre. Bah, excuse-nous de te verger. C'est ça. Non, mais voilà, montage, je regarde des films, je lis. Bois du thé. Je bois du thé. Nécro. Mon fond, fond. D'accord. Non, sinon. Beaucoup de motivation aujourd'hui. À partir de lundi, je suis en CDI dans mon boulot, donc je suis content. Voilà. Et puis sinon, bah, à part ça, rien. Un spécial à raconter, hein, niveau de moi. Cette rubrique va finir par sauter. C'est très passionnant. Une très bonne introduction. Alex, sauve-nous. J'ai une news dont on n'a pas parlé la dernière fois. La série Dead Class a sorti un trailer il y a déjà un petit moment. Oui, je ne l'ai pas regardé, ça a vu le cast et tout. Ouais, ça a l'air vraiment aux fraises. Aux fraises. Non, aux fraises, ça veut dire que c'est pas bien. Oui, voilà. Aux petits oignons. Non, si, c'est aux fraises. Si. Non, non, aux fraises, c'est quand c'est dans le décor, quoi. Quand c'est d'accord, ok. Bah, c'est aux petits oignons, alors, si vous voulez. Bon, et sur commencer le début de cette émission. Si tu veux, tu mélanges oignons et fraises, hein, mais je suis pas sûr que ce soit très bon. Okay. Oui. Faut vraiment avoir des goûts particuliers. Par exemple, quelqu'un qui dit, de toute façon, les arbres, c'est tous des PD alcooliques, là, tu peux lui dire, écoute, mec, t'es aux fraises, là. Voilà. Voilà. Ok. C'est très bon. C'était super violent, mais... Mais voilà. Et sinon après l'expression sucrer les fraises, là c'est quand tu commences à être gâteux. Pourtant c'est bon les fraises avec du sucre. Ouais. Et toi Chris, quelle est ton actualité ? Quelqu'un qui essaie de se rattraper aux branches. Bon, rien de spécial. C'est voilà. Fragile une branche de fraisier, il faut faire gaffe. Ah ouais, c'est pas très... Remarque c'est pas très haut. Donc ça va, tu tombes pas de haut. Les gars sont forts, ils arrivent toujours. Ils arrivent toujours à se rattraper quelque part, ils sont vraiment très très forts. Donc tu disais. Rien de particulier, voilà. Cette rubrique va vraiment finir par sauter. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va commencer leur parler d'un titre édité par Pika qu'on a tous lu autour de la table. Est-ce que quelqu'un peut le choper? C'est pour ça que je le montre en fait. Celui-là. Make-up. Ah. Ah oui, mais merde, on avait mis le micro dessus. On met écrit sur et dessiné par. Écrit et dessiné par Koei Nagashi. Qui veut faire le résumé? Là, tu l'as dans les mains. Toujours au con qui demande. Make Me Up, c'est l'histoire de Kobayakawa, qui est un garçon, enfin un lycéen assez banal et assez asocial. Il aime pas trop se mêler aux autres, enfin ça l'énerve un peu quand il voit les autres s'amuser, lui c'est pas son délire. C'est un peu toi. voilà, un peu. Non mais c'est vrai. Ouais voilà, non mais tout à fait. Son seul plaisir c'est en fait de peindre, il est très bon en peinture. Pas comme toi. Pas comme toi. Pas comme moi. On s'aime autour de cette table. Mais tu sais bien manier le pinceau quand même. Ah, ça t'en sait quelque chose. Bah oui. Ah. Et donc Kobayakawa, un jour, sa prof de peinture lui confie une mission, à savoir de s'occuper du maquillage de Misaki Oshino, qui est un peu la star du lycée, la jeune fille la plus populaire du lycée, qui apparaît toujours très belle, très élégante, voilà. Un peu comme Chris. Oh, ouais, un peu. Enfin, vraiment un peu. Hein. Voilà. Avec moins de cheveux, comme quoi. Sauf qu'en réalité, elle sait pas du tout se maquiller toute seule, et elle a tendance à faire sauter son maquillage à chaque fois en faisant des trucs. Enfin, voilà, en faisant des trucs un peu actifs. Un genre, peu comme genre moi. Genre se jeter à l'eau pour sauver un animal, je sais plus si c'est un chat ou un chien. Un peu comme moi, c'est vrai. C'est un petit chien, je crois. C'est un chat. Je crois que c'est un petit. C'est un chat dans une boîte. Je me suis dit que j'avais pas tiqué. Ah bah oui, bah oui, forcément. C'était d'être un chat. Voilà, donc elle saute dans l'eau et à chaque fois son maquillage part en couille et donc il faut quelqu'un pour la remaquiller parce qu'elle est incapable de le faire toute seule. Sachant qu'il faut aussi le faire le matin quand elle arrive à l'école avant que tout le monde arrive. Du coup, ça complique le truc. Donc voilà, l'histoire c'est un peu ça. C'est lui qui se forme à la maquiller et qui du coup, peu à peu, devient ami avec elle. Et en parallèle, elle profite que personne la reconnaisse quand elle a pas son maquillage pour être un peu la justicière du lycée, pour aider ceux qui se font persécuter, ceux qui sont victimes de harcèlement. Voilà, elle profite de sa fausse identité pour pouvoir tabasser en fait les emmerdeurs, sans que ça lui retombe dessus derrière. Alors sachant que on est d'accord au niveau fille populaire, on est à la fille populaire à l'américaine, hein, telle qu'on voit dans les teen movies, c'est-à-dire la fille qui est avec le groupe de copines, qui est un peu médisante, un peu sur le physique. Enfin, je pense qu'il y en a, c'est un peu la fille populaire à la japonaise aussi. Bah, c'est un petit peu la fille populaire à la partout dans le monde en fait. Ouais, mais voilà. Je vois pas en quoi il y a. Bah, disons que dans les teen movies, c'est vraiment. Comment dire? Il y a vraiment un archétype qui est mis en avant, qui est épuré, on va dire. Tous les codes sont là. C'est vachement présent dans le manga aussi, hein, ouais. comme figure, je trouve, en général. Mm. Enfin bref, toujours est-il que c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est léger, c'est drôle, c'est bien rythmé. C'est plutôt bien dessiné. Ouais, c'est plutôt bien dessiné. C'est assez basique, on va dire, mais. Bah, c'est efficace. C'est joli, voilà. Les personnages sont mignons. Il y a des petits côtés Switch Girl pour. c'est pour la double personnalité avec maquillage et sans maquillage. Ouais. Ouais, un petit côté Switch Girl. Sauf qu'elle est justicière quand elle a pas son maquillage, tandis que la Switch Girl c'est juste un gros sac. C'est ça, et puis que. C'est quand même pas pareil. Et puis que dans Switch Girl elle veut s'envoyer en l'air le plus vite possible avec aussi, son mec. Et qu'elle y arrive qu'au tome 20, 19, spoiler. Mais Switch Girl c'est quand même très bien aussi. Sinon, elle fait pas semblant hein, quand elle fait la justicière. Hein. Elle y va vraiment. Allez, ouais. Vas-y que je te mets les deux pieds dans le bide. Elle met un gros high kick à un moment, tu fais oula. Ça, normalement, tu pètes des côtes, hein. Je veux dire, tu le plexus. Du coup, le héros qui peu à peu devient admiratif d'elle alors qu'il a pas envie. Oui, parce qu'il la supporte pas en tant, en tant que fille populaire. Par contre, en tant que personne sans maquillage, c'est la vraie, en fait. Bah, il l'apprécie, franchement. Ouais, enfin, il l'apprécie. Franchement, il n'a pas envie de reconnaître qu'il l'apprécie au début. Quoi. Ouais, mais à côté de ça, intérieurement, il y a quelque chose qui fait j'boum, quoi, quand même. Ça fait j'boum là-dedans. Exactement. Non mais c'est vrai, en plus je trouve que ça peut traiter de thèmes plutôt intéressants au fur et à mesure, que soit sur le harcèlement ou justement harcèlement scolaire, ouais. Sur le désir d'être d'être estimé pour être enfin par la beauté, c'est d'ailleurs déjà abordé dans le premier tome avec lui qui lui dit mais qu'est-ce que t'en as à foutre au fond de te maquiller. Vous avez bien aimé aussi, vous? Oui, c'est une bonne lecture sympathique sans être transcendant, ça, tu passes un bon moment en lisant. C'est bien dessiné quand même, c'est Alex, on t'a pas beaucoup entendu. Ben non, je vous laisse vous parler. Ah d'accord, ok. Quand vous aurez terminé, je pourrais Eh bien, vas-y. Mais tu sais, t'étais pas obligé de mettre un hamac à la place de toi. Non, mais. Bah, moi, de toute façon, je vais pas vraiment répéter tout ce que vous avez dit, mais en gros, ce qui m'a plu, c'est le fait que les deux opposés se rencontrent et que ça crée beaucoup de comiques. De scènes comiques, quoi. Donc, c'est super chouette, et oui, comme t'as dit, Sam, ça peut traiter de sujets un peu sensibles en ce moment. Même si je pense que ça restera vachement léger, c'est pas ouais, un manga qui sera réac. Ouais. Comme ce que publie. Enfin, pas réac, pardon, plutôt. Engagé. Engagé, ouais, hein? Pardon. Oui. Parce que ça n'a rien à voir. Ah, bah, c'est sûr que ça risque pas de devenir live, à mon avis. Voilà. Mais ça me ferait marrer. Chose intéressante. Début de tome 2, elle se fait les veines, allez hop, c'est parti. Il y a aussi le troisième personnage qui est la fille complètement introvertie, carrément effacée, qui apparaît dans le truc, aussi, qui est assez sympa. C'est-à-dire que du coup, après, ça, elle se retrouve à être un personnage aussi important que les deux autres. Elle s'investit aussi dans le truc. Bah, même la prof de dessin, qui est celle qui maquille, qui à la base maquille l'héroïne, parce que c'est sa meilleure amie. Enfin, elle est super drôle. Elle se fout de la gueule de ses tentatives de maquillage un peu approximatives. La belle prof de dessin. Ah. C'est vraiment très présent ces dernières années, le harcèlement scolaire dans le manga, je trouve. Bah, globalement, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent aussi, dans les autres supports. C'est un truc qui est un peu plus. Dont on parle plus facilement maintenant. Alors qu'avant, c'était limite une sorte de tabou. Ouais, mais il y a même des mangas super légers, bah, comme celui-là ou comme. March Comes In Like a Lion, ça se met à aborder ce thème-là. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas si c'est spécifique au Japon, parce que j'ai quand même l'impression qu'on le voit plus dans les œuvres japonaises. J'ai l'impression que ça devient un sujet auquel ils sont de plus en plus sensibles. Japon, bah, c'était déjà, par exemple, l'un des trucs principaux dans les GTO ou des trucs comme ça, où tu avais le harcèlement qui était bien marqué, quoi. Entre élèves, rapport prof-élève, harcèlement sexuel, enfin il y avait tout qui était déjà bien exposé. Dans une grosse ambiance déconnade quand même. Pour ouais, c'est ça, ah oui, dire, les GTO, t'avais quand même des thèmes qui étaient des moments très sérieux, oui, oui. Des moments où tu te posais deux minutes et disais là on va te parler d'adulte en adulte. C'est, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, Chris, parce que j'ai plus l'impression qu'avant c'était plutôt tourné en dérision et maintenant on prend la chose plutôt au sérieux. Quoi. C'est vrai que dans GTO, des fois, t'avais des grosses ruptures de ton qui faisaient que c'était plus sérieux. Et après, tu repartais sur business, la déconnade vraiment. Et donc, du coup, le message était peut-être pas si bien assimilé que ça. Quoi. Bah, ouais, ça vaut le coup de lire GTO. Ça vaut le coup. Enfin, tu choisis. Soit tu le lis, soit tu le regardes. Mais une fois que tu l'as lu, bah, quand tu le regarderas, tu vas te faire chier, limite. Et si jamais tu l'as regardé, tu vas avoir du mal à le lire parce que c'est exactement pareil. Mais j'ai plutôt tendance à lire dans ces cas-là. Non, mais c'est juste que l'autre manga que j'ai lu de l'auteur était quand même vraiment pas bien. Après, l'anime est chouette, quoi, parce qu'il y a la musique, toute l'animation qui est vachement bien faite. La musique est bien faite, et même le doublage est correct. Hein. Ouais. Donc, certains passages où des fois c'est un petit peu trop poussé dans les aigus sur les féminines, mais sinon ça va. Dans les deux cas, ça vaut le coup. Mais oui, le harcèlement scolaire, c'est un truc qu'on trouve. Et ils sont là, en rayon. C'est pas cher. Oui, mais je sais. C'est pas cher. Ils sont toujours à 3 euros le tome. Non, c'est seulement les 5 premiers tomes. C'est déjà bien de faire foutre. Non, moi, je m'intéresserais peut-être à Young GTO plus tard. Mais revenons-en à Make Me Up, donc c'est une série toujours en cours, qui compte actuellement 11 tomes. Oh ah, c'est chouette. Ah oui, parce que là, on n'a que le premier, mais 11 tomes. Oui, pour l'instant, 11 tomes. C'est cool. Après, ça peut pas mal s'enrichir. Ça peut pas s'enrichir. Bah, typiquement, c'est le genre de série qui peut accueillir d'autres personnages à la petite bande, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il va y avoir des relations qui vont se créer, enfin, un truc un peu classique, quoi. Bon, il y en a déjà, encore une fois, à la fin du tome. Ça peut dériver en. Vous savez, la bande de personnes un peu impopulaires qui se mettent tous ensemble, et au final, ça fait la plus grosse bande du bahut qui se retrouve à être levée, du coup, les plus populaires. La banque des losers. Au bout de 5 tomes, c'est devenu Crow Zero, un truc de base. Ça finit en Battle Royale. Est-ce qu'on en a fini avec Make Me Up, un titre qu'on peut tous recommander autour de la table? Ouais. Alors on peut tous recommander, puis à tout âge, hein. C'est pas. Oui, c'est accessible à ces jeunes. Voilà, il y a rien de perturbant dedans. Oui, c'est ça, ça traite de thèmes sérieux, mais comme c'est léger, voilà. À partir de 12-13 ans, c'est largement abordable. Ou voire même moins, à mon avis. Quelqu'un de 10 ans, moi, ça me gêne pas de lui faire dire Make Me Up. Before you go, go. Voilà. Oui. Je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, donc. Eh bien, du coup, on va passer au prochain titre, histoire que tu évacues ça de ta tête. C'est toi et Issam qui allez nous en parler. Il s'agit de Au Grand Air, édité par Nobinobi. C'est moi, Issam. Oui, dessiné et scénarisé par Afro. Donc, super bon pseudo. Ouais, bah je trouve ça sympa. C'est déjà au moins c'est facile à prononcer. Donc dans la grande lignée des mangas de Nobinobi, on est sur quelque chose de vachement léger et très frais. Et on suit donc le personnage de Nadeshiko qui se fait beaucoup de sorties au grand air, d'où le titre, dans des endroits un peu touristiques mais de camping. Et donc on va la suivre comme ça dans ses petites péripéties où elle va prendre du bon temps, où elle va rencontrer une copine qui elle aussi fait du camping, ce qui va créer l'apparition, enfin ce qui va susciter pardon, l'apparition du club de camping à l'école, où elle va rencontrer d'autres petites filles, et comme ça, petit à petit, on va suivre tout un groupe en fait de filles qui font du camping et qui voient des paysages de plus en plus grandioses à chaque chapitre. Et c'est ça qui est chouette en fait avec Afro, c'est que notamment lors d'une petite virée, elles vont au mont Fuji, je crois. Et on a le droit à une double page en fait du mont Fuji où elles sont toutes les deux en train de l'admirer au coucher du soleil. Et c'est super beau. C'est feel good. Ouais. On sent que l'auteur a fait du camping et qu'il a limite pris des photos ou fait des dessins sur le vif qu'il veut retranscrire dans son manga. Mm. Alors, comment s'appelle déjà ce style ? Parce que je sais que c'est un style qui existe, le côté très kawaii des personnages. Bon, je sais pas, j'appelle ça du kawaii, mais ouais, moi aussi. C'est un autre nom ? Je crois que c'est un nom, hein. C'est juste, je l'ai pas, j'ai pas la main dessus, donc tant pis. Eh bien, nous couperons. Non, mais c'est, ouais, je me retrouve beaucoup dans les titres Nobinobi, c'est toujours super posé, super, super calme, super doux. Et ouais, c'est... Très orientation tranche de vie aussi. Ouais, c'est quand t'as eu une journée un peu chiante, c'est toujours un plaisir à lire. Et Dieu sait que t'en as. Bah ouais, je dois me supporter toute la journée. Sans oublier Hans. Et puis mon coloc allemand, voilà. c'est un peu dur des fois. Et ce que j'ai trouvé super chouette aussi, c'est que dans Au Grand Air, on n'a pas énormément de dialogue, ce qui fait qu'on ressent vraiment le côté apaisé de chaque scène où elles sont comme ça, en train de camper, juste en train de boire leur petit chocolat chaud et qu'elles profitent du paysage, quoi, en fait. Donc on se sent vite transporté et c'est trop bien. Mmh. Un coup de cœur. Puis les personnages sont trop attachants. Ouais, moi de toute façon, tout ce que fait Nobinobi, je crois que je kiffe à chaque fois. Donc. Ouais, un peu pareil. Flying Witch, Grand Air. Yuzu. Ouais. Faut pas oublier Yuzu. Oh, voilà, ouais, c'est Feel Good. Feel Good, tranche de vie. Pas vraiment de fil rouge, mais c'est juste, c'est une belle tranche de vie, quoi. Ouais, et puis y a pas besoin d'apprécier le camping. C'est pas... enfin, moi, personnellement, en vrai, le camping, c'est un truc qui a plutôt tendance à m'ennuyer. Comme beaucoup de choses sur cette terre. Non, mais voilà, être tout seul au milieu des insectes, le cul dans un rosé, bon, voilà, c'est pas mon délire. Il y a des très beaux insectes, des fois. Il y a des très bonnes rosées, des fois. Je préfère le rouge. Non, mais en vrai, c'est vraiment très bien. Hein. Oh, mon Dieu. Elle aurait pu passer inaperçue si vous aviez pas réagi. Hein. On est obligé de réagir. Des fois, un petit souvenir, c'est sympa aussi. Oh là là, arrêtez-vous. Ça permet de voir aussi qu'ils ont pas la même approche du camping qu'on pourrait l'avoir en Europe, quoi, je pense. À quel niveau, tu veux dire ? Du fait qu'ils aient des sites comme ça, bien organisés... tu peux payer telle sorte ton bois ou quelque chose comme ça. Ah enfin, oui. Ouais. Je pense pas qu'on ait la même organisation ici, quoi. Mais pas organisé pareil. Puis je serais curieux de savoir si tous les... parce qu'il y a quand même des passages un peu explicatifs. À ce niveau-là, ça m'a un peu rappelé Ma vie dans les bois. Il y a des passages un peu... j'y ai pensé. Ouais, didacticiel de camping, du matos qu'il faut avoir, de comment il faut l'utiliser. Et je me demande si tous les équipements qui sont mentionnés existent chez nous, parce qu'il y en a qui ont l'air quand même très spécifique à une fonction précise, quoi. Et je me demande si c'est pas des trucs typiquement japonais qui ont inventé ces machins là pour une utilisation précise mais qui se sont pas exportés du tout. T'as un exemple? Genre au niveau des sacs de couchage, il y a une précision dans les différents sacs de couchage qui existent pour chaque fonction. Je pense que ça existe, mais bon, par exemple en France, je pense pas que le camping soit vraiment une grosse activité, une grosse passion. Les trois films combinés, ça a fait quasiment 30 millions d'entrées, je crois. Hein. Ouais, mais en général, le camping en France, c'est dans des camps. Ouais. C'est un camp de campeurs partant. Des camps, poutissiers. Genre en bord de plage, camping-car, où ils s'entreposent tous. Là, c'est plus... C'est pas au grand air, vraiment, au sens propre du terme, quoi. Mais vraiment, les grands paysages, les grandes plaines, enfin... C'est vrai que les Japonais font un truc sur le camping, on obtient des petites filles qui regardent des paysages mignons et poétiques. Mm. Les Français font un truc sur le camping, on obtient Franck Dubosc qui se balade en slip sur la plage. C'est ça. C'est moins glamour. C'est deux cultures. Hein. Mais sinon, au niveau des types de sacs de couchage, j'ai déjà vu des trucs vraiment, au niveau des campeurs, des trucs assez impressionnants. Genre par exemple, quand jamais il fait froid, t'as le truc spécial avec la capuche qui te prend toute la tête en même temps que t'es dedans. T'as les modèles militaires aussi, t'as les modèles... Il y a déjà des trucs un peu poussés en camping. T'as ceux qui sont vraiment complètement étanches, ce qui fait que t'as juste à couvrir, par exemple, tu te mets en une pente légère et tu couvres juste la tête avec un bout de toile, il peut te pleuvoir sur ta gueule, t'as rien. Enfin, c'est... Ouais, si. Ça ne tiendrait pas un nouveau concept de podcast. Camping podcast. Camping cast. Le camping cast. Ouais, faut qu'on fasse un crossover pour faire un truc sur les eaux stagnantes en même temps. Le camping en eau stagnante. Alors, est-ce qu'il y a des eaux stagnantes dans Au Grand Air? Messieurs, est-ce que vous en avez terminé avec Au Grand Air? Ouais, encore une fois, une recommandation. Pour tous les deux. Ah oui, moi c'est une grosse recommandation. Ouais. Une grosse recommandation. Si on aime bien les trucs avec des filles pas cringe, avec une belle histoire, il faut l'acheter. Ouais, une belle histoire, sachant que c'est voilà du tranche de vie quoi. Il y a pas d'intrigue hyper poussée. Elles deviennent amies petit à petit. Mais c'est... Ouais, tous les persos sont attachants. Enfin, ouais, elles ont chacune leur caractère bien marqué. C'est cool. Il n'y a pas au bout de 10 pages un personnage qui dit au fait j'ai un grand secret à cacher et tout, et puis t'apprends finalement qu'elle a tué quelqu'un, qu'elle l'a enterré dans la forêt à côté. Non, qu'elle y a pas tue quelqu'un à chaque fois qu'elle va camper. Ah, c'est ça, à chaque fois t'as un campement. En fait, c'est la raison du campement. C'est ça. C'est la raison du campement. Je crois que c'est ça au bout du tome 3, c'est comme ça. Ah, c'est pour ça qu'elle a soifé de sang sur la couverture du tome 3. C'est pour ça. La série est toujours en cours avec 6 tomes, hein, précisons-le. Ah, il y a 6 tomes. Tu te réjouis? Bah ouais. Et c'est toujours en cours. C'est trop bien. Entends-tu? On me demande si Nobinobi, c'est pas le seul éditeur dont on n'a jamais dit de mal pour le moment dans ce podcast. L'anime était diffusé chez Crunchyroll, il me semble. Ça peut être super. Yurukamp. Donc voilà, tu le sauras, c'est diffusé chez Crunchyroll. Donc c'est gratuit. Ouais, faudrait que j'aille vérifier ça. Il me semble que c'est Crunchyroll. Il y a Flying Witch aussi sur Crunchyroll. Bon! Laissons Au Grand Air derrière nous. Il est temps de parler de Blue Giant, édité par Glénat, écrit et dessiné par Shinichi Ishizuka, un auteur à qui l'on doit Vertical, également édité par Glénat, qui était un manga sur merde sur l'alpinisme, la verticalité la verticalité des choses, dire sur l'alcoolisme. Et là on se retrouve avec un manga sur le jazz où on suit un jeune lycéen, Dai Miyamoto, qui au début de l'histoire est plutôt passionné de basket. Ça fait depuis des années qu'il fait du basket en club avec son lycée. Et qui découvre grâce à un ami à lui du jazz, qui l'amène dans un cabaret pour assister à un concert, et il tombe fou amoureux de ce genre, ce mouvement musical, et il décide d'en faire via le saxophone. Est-ce que ce résumé vous convient, messieurs? Ouais. Tout à fait, très bien. Alors que son pote qui l'a amené à la soirée trouve ça pourri et veut se casser. Trouve ça pourri parce que ça n'a rien à voir avec l'enregistrement audio. Voilà. Et donc on va suivre l'avancée de ce jeune homme qui commence à maîtriser de plus en plus son art du saxophone. Et c'est également très tranche de vie parce que on le suit lui, mais on suit également son entourage. C'est-à-dire on va voir son père à un moment, on va voir des déboires avec son meilleur ami qui possiblement va déménager, va quitter de ville. Donc voilà, c'est vraiment du tranche de vie, c'est pas uniquement centré sur le jazz, comme pourrait le laisser penser le résumé ou même la couverture. Et puis, il quitte pas le sport pour autant, c'est-à-dire qu'il continue de faire du basket, il fait en plus des petits défis personnels de sport à côté, juste avant de s'entraîner au jazz. Et alors, à se renseigner, ça pourrait être intéressant de voir si... parce que en lisant le manga, on a vraiment l'impression que le jazz, ça doit être c'est un genre qui semble être très peu connu au Japon. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui... c'est quoi ce genre bizarre Alors par contre, c'est assez bien représenté le ressenti du jazz, parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Et il y a une scène qui m'intéresse dedans, c'est justement quand il est avec son meilleur pote qui avait détesté le concert de jazz. Et là, il écoute son pote s'entraîner au jazz. Et là, il ressent quelque chose, il dit « Je sais pas si les notes sont pas parfaites, mais je sais pas si c'est mon ami. » Enfin, c'est parce que c'est mon ami, mais je ressens vraiment quelque chose. Ouais. Et à la fin, son pote qui lui dit, écoute-moi, de mon côté, je vais être le meilleur médecin. Voilà, parce qu'il se dit, moi, il faut que je mette quelque chose dans la balance aussi, parce que là... Et oui, quand il joue, il y a des moments très forts. On sent le dynamisme de la musique sur des pleines pages... sur des pleines cases même, c'est vraiment assez jouissif tous et ces passages-là. À chaque fois, il est en sueur, en larmes quand il finit, quoi. C'est. On sent l'émotion du personnage qui s'implique vraiment dans ce qu'il est en train de faire, quoi. Mm. Bah, c'est un côté vachement shonen aussi, toutes ces phases d'entraînement qu'il a. Oui, face au cours d'eau tout le temps. Je donne le meilleur de moi-même. C'est toujours dans le truc le plus extrême. Le mec qui rapporte à chaque fois les embouts qu'il doit changer. Avec le mec qui dit ah bah c'est pour tout un orchestre. Non, c'est juste pour moi. C'est juste pour moi. Ok. Visuellement, c'est très très beau. Ouais. C'est un style très réaliste. Bah, ça fait penser un peu à Urasawa, quoi. Enfin... Oui, c'est un style. Moi, ça m'a rappelé un peu ça, surtout les visages en fait. Un peu européen, tu veux dire? Ouais. Non, mais il y a tout, hein. Il y a même les problèmes de thunes qui sont expliqués. Non, il y a tout. Enfin, il y a vraiment. Il y a une vie, quoi. Il y a vraiment une vie. Contrairement aux autres séries qu'on a abordées, c'est une série terminée en 10 tomes. Issam, on t'a pas beaucoup entendu sur Blue Giant. Non, en fait, j'aime beaucoup l'aspect tranche de vie, j'aime beaucoup le style graphique et je trouve les personnages très cool. Après, moi, en fait, le truc, c'est assez perso et c'est pas lié au manga, mais en fait je suis pas sensible à l'esprit jazz et c'est un esprit qui m'énerve un peu. C'est comme la rosée du matin, quoi. Non, mais en fait je trouve qu'il y a un... Et c'est présent dans ce manga, en fait, dans le jazz. J'ai l'impression que ceux qui sont passionnés de jazz ont tendance à vite arriver à un état d'esprit où le jazz est la seule musique capable de retranscrire vraiment bien les émotions. C'est la seule musique de l'âme. Et il y a un peu cet état d'esprit là-dedans avec bah, justement la scène où son pote se met à pleurer alors que c'était pas très bien joué. Non, au bout d'un moment, arrêtez avec cet élitisme du jazz. Comme quoi, ce serait une musique plus parfaite que les autres. Quoi. C'est pas plus sincère qu'une autre musique. Ça. Bah, techniquement, je veux dire, ça aurait pu être du rock à la place du jazz. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Marqué pareil. Je pense que là, le jazz a été choisi. Mais je pense que l'auteur aurait fait un manga de rap, de blues ou n'importe quel autre genre musical, la scène aurait été présente quand même. Ouais, mais je trouve que ça installe un côté très élitiste qui me. Je sais pas, c'est vraiment que le jazz, je trouve, au final, là-dedans. C'est comme si les autres styles musicaux ne méritaient limite pas d'exister. Bah. Je sais pas, pour moi je vois ça, en fait, je vois ça à peu près comme les mêmes codes qu'on retrouve dans les mangas type fighting. Où effectivement, t'as par exemple l'ami qui emmènerait son pote voir un tournoi d'arts martiaux et l'autre qui se dit ah, mais putain, mais c'est ça que je veux faire. Et qui, lors d'un entraînement, vraiment donnerait de l'émotion à son pote qui lui dirait putain, mais vas-y, continue. C'est. Il y a un petit peu du shonen neketsu là. Je sais pas, il y a un truc qui m'a pas atteint dedans, dans ce rapport à la musique. Bon, par contre, ce qui est génial, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, les gens n'apprécient pas tous sa musique, hein, et puis il est pas parfait, il est pas... Il y en a un qui, à un moment, l'engueule comme pas possible. Évidemment, il est même pas bon, quoi. il est pas raccord. Il est mauvais. Il est autodidacte, il connaît pas les partitions, il connaît pas une note, hein. Il sait pas lire une note sur une partoche, donc c'est comme ça. Oui, il débute. Voilà. Ouais, je crois que t'as fait une grosse généralité... Sans le vouloir, peut-être. Oui, mais je sais, mais voilà, je sais pas. Y a un parce qu'au contraire, je sais pas, la scène, faut la prendre dans le sens inverse. C'est qu'il est mauvais, mais il arrive quand même à toucher. Il procure quand même des émotions. Voilà, il arrive à toucher son pote qui, en plus, il va s'en aller, donc ils sont tous les deux un peu tristes. Donc, tu vois, ils partagent un beau moment, quoi. Et puis, sinon, j'sais aussi, pas, le jazz, c'est né dans des milieux qui n'étaient pas du tout élitistes à la base. C'était des trucs. C'était quelque chose qui était très élitiste, qui a été repris. Lors des révoltes afro-américaines et qui a permis d'avoir vraiment des artistes blacks qui se sont fait connaître mais qui ont réussi à faire avancer aussi. Eh non, je dis pas l'inverse, hein, mais je sais pas, pour moi l'élite, il n'y a pas vraiment d'élitisme dans le jazz dans le sens où il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a du jazz populaire comme il y a du jazz extrêmement élite. Tu peux retrouver des trucs à ton échelle sans problème. Mais même sans parler de ça, ouais, dans le cadre du manga, après c'est un style de manga auquel je suis pas particulièrement sensible en général, enfin un le style manga... d'œuvre même auquel je suis pas particulièrement sensible. Musical, tu veux dire? Non, quand t'as un mec, enfin musical ou quand t'as un mec qui est passionné comme ça par un truc et qui se donne à fond pour ce truc, à chaque fois j'ai envie de dire, enfin c'est juste de la musique ou c'est juste de la cuisine, c'est arrête. Ouais. C'est arrête de. Alors, c'est, en fait, ça m'a rappelé un peu, ça m'a mis dans le même état d'esprit que le film, quand ça s'appelait Whiplash, là, avec la batterie. Ah ouais. C'est de la musique, arrêtez de vous prendre la tête. Ouais, sauf qu'il fait pas que ça à côté. Je veux dire, il continue justement, c'est là qu'il continue de vivre à côté. C'est ça qui était bien retranscrit là-dedans, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ouais, mais ça prend une part importante de sa vie, il est investi à fond et tout ça, mais à côté de ça, il s'empêche pas de vivre. Et c'est non, mais j'ai bien conscience, hein, on est censé le lire comme un truc où le jazz devient une passion qui donne de la couleur à sa vie. Moi, j'ai l'impression de le lire comme un truc où le jazz devient une obsession qui bouffe sa vie, en fait. Une passion. Non, je pense que t'es juste pas sensible au truc, c'est tout. Je pense que c'est les passions, c'est comme ça. Il y a des passions qu'on va trouver plus ou moins ridicules et d'autres plus compréhensibles, alors que la personne qui le ressent, voilà, pour elle, c'est super, quoi. Ouais. Je pense que c'est juste ça, hein, y a pas. Je précise que je suis pas fan du jazz de base. Hein. C'est juste que je comprends la. Pas obligé de préciser. Non, mais je veux dire, ça aurait été, ça aurait été un autre média, ça aurait été la peinture, ça aurait été une autre musique. Je pense que j'aurais réagi à peu près pareil. C'est. Alors qu'il aurait été youtubeur cinéma. Là, t'aurais dit banco. Ah, là, tout de suite. Là, t'aurais dit banco. Non, mais je pense que c'est juste ça, c'est tout. C'est que. Mais je veux dire, ça, c'est un code qu'on retrouve 100 000 fois plus poussé quand, par exemple, c'est les trucs de cuisine. Ah oui, mais j'aime de cuisine, c'est justement, c'est manga. Ou même les mangas sportifs. C'est encore même plus poussé dans les mangas sportifs. Là, ils font plus que ça, voilà. De leur vie. Mais justement, c'est des types de mangas que je trouve ridicules, moi. Ah oui, là, je trouvais que c'était un bon entre-deux. Enfin, personnellement. Et One Piece, ils font que naviguer sur l'eau. Enfin, c'est des... Et puis combattre, ah, c'est ridicule. One Piece, il y a un objectif. Je veux dire, ils jouent leur vie de fait. Ouais, mais Luffy, sportif, fait que manger. De cuisine. Dans une sec, ça font que baiser, ça t'a pas gêné. Bah si là, il baisait en jouant du jazz, à la limite... Bah t'en sais rien, il y a dans le top. T'as pas vu le top 2. Peut-être le saxophone... Tiens, voilà. Regarde là ce qu'elle lui met, là. Et après, voilà, c'est loin d'être... Montre le tome 2. C'est loin d'être désagréable, le côté tranche de vie est super bien fait, les personnages sont plutôt cool, quand même. Visuellement, c'est très joli, on l'a déjà visuellement, dit aussi. Voilà. C'est juste tout ce qui entoure le jazz qui, oui, c'est juste, qui m'a gêné. Hein. Oui, voilà, tu reconnais les qualités, mais c'est juste que t'es pas attiré par ce type d'œuvre, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est marrant qu'il ait ressenti comme ça, parce que moi j'ai ressenti de façon inverse. Tous les trois, on l'a tous, tous les trois ressenti. C'est que le protagoniste, j'ai l'impression qu'au contraire, il démocratise un peu le jazz, quoi. Il est innocent, il est débutant, il y connaît rien, il fait le truc à sa façon et c'est chouette, quoi. Voilà, même les musicos pro essaient de se mettre à son rythme quand il les croise, parce qu'ils disent merde, attends, il est pas du tout avec nous là, donc on va on sait qu'il s'adaptera pas à nous, donc on va se décaler. Ouais, mais c'est vachement égocentrique finalement, en fait, comme comportement de sa part. Ah non, mais c'est qu'il sait pas faire autrement. Et puis c'est pas lui, mais c'est pas lui qui l'impose aux autres musiciens, c'est les autres musiciens qui se l'imposent eux-mêmes. C'est donc eux qui a rien d'égocentrique. Ils savent. Ouais. Ah. Enfin, ils savent. Bah non, il fait pas ça. Bah oui, mais lui il le fait pas. Il leur impose pas, c'est eux qui le font. Je parie que t'as détesté En toi le futur quand Marty se met à faire de la musique en me disant vous me suivez. Non, mais c'est juste. Enfin, s'il le fait pas, c'est parce qu'il écoute pas les autres, justement. Ah non, mais c'est qu'il sait pas s'adapter. Il sait pas s'adapter. Il a toujours joué tout seul, déjà. Et puis en plus, il sait pas dévier d'une demi-note ou d'une note parce qu'il connaît même pas les notes. Et c'est exactement pareil dans le basket, parce qu'il y a des moments où on le voit dans le basket qu'il a des difficultés. Parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aussi. Ouais, parce qu'il fait. T'as tout le passage où le coach veut le foutre dehors et t'as son meilleur pote qui dit bah, si vous le foutez dehors, je me casse. Qui lui doit être un bon joueur. Voilà. Voilà. Parce que c'est juste, c'est un personnage qui attire l'insympathie des autres personnages et qui, du coup, de même, sans que ce soit lui qui l'impose, de même, il décide de se rabaisser un petit peu, de se mettre à son niveau. Ouais, mais j'ai justement ce passage-là au concert, moi j'ai pas compris pourquoi c'est eux qui se mettent. Mais. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux qualifier d'égocentrique alors que justement c'est la surpuissance des autres qui se met au niveau du plus faible. C'est justement tout le contraire de l'égocentrisme. Ah bah pour moi non, parce que pour moi très clairement tel que c'est traité, s'il ne s'adapte pas, c'est d'une part parce qu'il ne sait pas faire et d'autre part parce qu'il n'écoute pas ce qui se passe autour de lui. Ouais, c'est vraiment pas comme ça que j'ai ressenti le truc. Moi je l'ai ressenti comme ça. Pour moi, dans le passage du concert, si ça se passe mal, c'est parce qu'il fait pas attention du tout à ce qui se passe autour de lui. Je suis d'accord avec lui, mais après, j'irais pas dire que c'est de l'égocentrisme. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire de sa part. Ah, mais on peut être égocentrique de manière totalement involontaire. Oui, c'est pas contre lui. Je dis pas que c'est volontaire. Ouais. Mais c'est donc qu'il essaye de bien faire, et puis en même temps, c'est le mec, il a quand même conscience qu'il y a un groupe, quoi. D'ailleurs, quand il voit les instruments, au début, il se dit « Oh merde, ah, je vais pas être tout seul. Ça va être délicat. » Moi, je l'ai plutôt pris comme un débutant qui est plein de fougue et qui met toute sa passion et... Bah, ça marche pas. Et qui se foire. Ouais, ça marche pas. Mais du coup, qui fait mal. C'est... Ouais. En fait, justement, je comprends pas pourquoi tout le monde l'admire. Parce que pour moi, tout le. Bah, tout il est pas admiré. Dans fait, cette scène-là, il est pas du tout admiré. Hein. Bah, à part ceux du groupe, par certains du groupe, quand tu vois leurs interviews, entre guillemets. Ah, mais après, ça, c'est après. Du tome, ils disent un peu aussi, dès le début, j'ai ressenti un truc. Bah, il a un capital sympathie. Oui, voilà. Du charisme. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, il donne quand même de la passion. Mais bon, sur le moment, là, Patrick Sébastien aussi, il a un capital sympathie. Puis, ça empêche pas que de le moment, il fait de la merde. Et puis, comme tu viens de dire, ils disent qu'ils ont ressenti un truc. Tu peux être devant quelqu'un, voir qu'il n'est pas à niveau, mais pourtant savoir qu'il a du talent et qu'il va progresser. Ça peut arriver. Ouais, ça m'arrive avec des personnes qui font du dessin, par exemple. Que tu peux très bien voir le potentiel de quelqu'un sans qu'il soit au top. Mais tu sais, tu vois des personnes qui dessinent pas très bien, et puis d'un seul coup, tu vois qu'en fait, les traits sont faits en une fois, des fois, et qu'ils sont pas trop hésitants. Et là, tu te dis, non, là, il suffit juste que la personne apprenne un tout petit peu les proportions. Trois fois rien, et là, elle pourra vraiment tout décaper. Des fois, il y a ça, quoi. C'est, Je pense que c'est surtout ça que les personnages ressentent envers lui. Ouais, je sais pas. Ils sentent qu'il y a un truc et qu'il faut juste lui mettre un coup de pied au cul pour que ça passe, quoi. Mm. Bah ouais, mais justement, c'est ce que vous disiez plus ou moins tout à l'heure. C'est, j'ai l'impression que c'est tout le long du premier tome, et j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. C'est les autres qui vont s'adapter à lui, et lui, à aucun moment dans ce tome, il fait le moindre effort pour s'adapter à qui que ce soit, en fait. Là, on peut pas se rendre compte sur le premier tome. C'est-à-dire qu'après, si jamais ça se passe bien, on va dire, après, ça peut être vraiment une sorte de leader, quoi, au niveau musical, où il peut finalement se retrouver à niveau égal avec ça va probablement être ça. C'est dit à la fin, de toute façon, qu'il est devenu un des meilleurs Jazzman. Et ne pas chercher. Enfin, peut-être que lui, justement, son but sera pas spécialement d'être cherché à être le meilleur, mais de partager des expériences avec d'autres qui partagent sa passion. Tu vois, on sait jamais. À voir dans les autres tomes. À voir dans les autres tomes. Là, on a vu le tome 1. J'ai pas l'impression qu'il est du tout dans le partage, justement. C'est encore une fois, pour moi, le concert. La scène du concert à la fin montre ça. C'est il est dans son délire, le public peut bien crever, il en a rien à faire. C'est le personnage qui devient hardcore. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Moi, je fais du saxo, tu comprends. C'est un peu excessif, mais pour moi, le premier tome, c'est son rapport au saxo est super malsain, en vrai. Mais c'est un truc que je ressens beaucoup dans les mangas comme ça, où les mecs sont censés avoir une passion qui devient trop dévorante, en vrai. C'est marrant, c'est exactement ce que nous on disait sur le premier tome de Game, et ton argumentaire, enfin notre argumentaire, c'est ce que toi tu disais. Que nous on trouvait que la relation avec le mec c'était ultra malsain, mais toi non, il faut voir comment ça va se dérouler pour les tomes suivants. Non, je disais pas ça, je disais qu'elle était malsaine mais que c'était traité comme un thème. Oui, il disait que c'était fait pour. Je disais pas du tout qu'elle était pas malsaine. Oui, c'est vrai. Pour dénoncer, pas mes propos, tout ça. Oui, c'est vrai. non, faut pas déconner. Non, mais là il est un peu aux fraises, mais après il sera aux petits oignons. Voilà. Ouais. Merci. Non, mais on détourne pas ton propos. C'est pas toi qui avais dit sur No Game No Life qu'elle était sexy, la petite. De quoi? J'ai l'impression que c'est surtout les autres qui sont un peu bonnes pommes. On va pouvoir faire une tarte. Putain, tu nous en mets plein la poire. Ouais. Non, ouais. Non, je complète pas avec un truc sur les fruits. Bon, et si on retrouvait la banane? Alors, Non, mais après, ça pourrait s'améliorer s'il trouve une carotte pour avancer, quoi, pour s'améliorer. Ça lui foutra la patate. Plutôt que de se prendre des tomates. C'est bon, c'est fini? Moi, je suis sorti du verger, du potager, là. D'accord. Non, mais voilà, le mec, il a le melon, bon, c'est chiant, à force. On continue. Bon. C'est quoi la suite? La suite, bah, c'est Issam tout seul, comme un grand. Merde. C'est ça. Avant de passer à Issam, on recommande globalement tous les trois, Blue Giant, Necro, bah, Alex et moi. Si on est intéressé par le jeu. Enfin, moi, personnellement, c'est une série que je vais faire, de mon côté, que je vais continuer à suivre. Bah, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Oui. Et en plus, le trait vivant et tout. Donc, non, tout est bien. Moi, je vais faire ce type de manga, clairement, oui. Je vais faire mon chiant, mais j'aurais préféré une meilleure édition. Mais, voilà. Ah, bah, il y a des pages couleurs au début. Non, mais je veux dire, un truc un peu plus dur. Après, c'est le format souple, je suis pas très fan. C'est le papier Glénat. Hein. Pour ce style de dessin, je vois plus. C'est qui mettent du meilleur papier, Glénat, non? Ah, non, maintenant, c'est quasiment que du papier comme ça. J'aurais préféré une plus jolie édition, quoi. Voilà. Maintenant, c'est quasiment que du papier comme ça, Glénat. D'accord. Quoi. Ah oui, non, je confondais avec Casterman, pardon. Je trouve que ça méritait mieux. Alors qu'on a des éditeurs qui nous font des trucs, des vraiment sympas, des fois. Bon, et bien du coup, maintenant, on va laisser Issam parler tout seul comme un grand. Voilà, j'ai été très critique, je tiens juste à dire que voilà, si vous aimez le jazz, si vous aimez ce type de manga qui, personnellement, m'est totalement... Hashtag traduisons-le, si vous êtes un con... Antipathique. Écoutez, il y a moi et les autres. C'est ça. Ben voilà, achetez-le, c'est très beau, c'est très bien. Pourquoi j'ai raison, pourquoi vous êtes un connard? Comme dirait le petit Billy, c'est beaucoup de bruit pour rien, quand même. En fait, le papier est très bien. Putain. Je crois que j'ai pas entendu, j'ai bien fait de pas entendre. Non, c'est mais ça. C'était, ouais, bah, c'était une blague culturelle. Ah oui, bah oui, culturelle, ouais. Mm. Il en est mort, le pauvre. Issam, tu vas nous parler de Night Dominion, édité par Glénat dans leur nouvelle collection. La collection Login, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Pourquoi ça s'appelle Login? Aucune idée. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout des trucs un peu culture geek, donc est-ce que ce serait par rapport à ça? Enfin, pour l'instant, leurs deux titres, c'est très culture geek. Il y a trois titres, tu veux dire même. C'est quoi le troisième? Bah, il y a Riverdale et il y a Truc Geek. Ah oui, c'est Riverdale que j'avais oublié, pardon. Survival Geek. Bon, alors d'ailleurs, un mot sur l'édition, je les trouve plutôt jolies, leur édition. C'est. Il y a une espèce. Il y a une jaquette. C'est du souple? Voilà, c'est du souple avec jaquette. C'est pas énormément cher, le papier est plutôt pas mal. Enfin voilà, c'est des belles éditions, donc pourquoi pas. Ça donne plutôt envie de les lire. Bref. L'histoire, c'est dans un. Donc de Night Dominion, écrit par Ted Naifé, je sais pas comment ça se prononce. C'est l'histoire dans un monde d'heroic fantasy d'un groupe d'aventuriers qui se lance dans une quête. Chacun a sa raison de se lancer dans sa quête. Il y en a certains, c'est pour la vengeance, d'autres pour la richesse, d'autres parce qu'ils veulent le bien de leur cité, enfin des choses comme ça. Évidemment, la quête se passe pas aussi bien que prévu et ça va semer le chaos dans la ville et ça va déclencher une sorte d'insurrection, en très bref. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me souviens pas de tous les détails. Hein. Ah, bravo. Knights Dominion, en fait, ça m'étonnerait pas du tout que, à la base, ça a été une campagne de jeu de rôle qu'a fait l'auteur et qu'il ait retranscrit comme ça en comics. Et en fait, c'est un peu le principal souci pour moi, c'est que je pense que c'est une campagne qui aurait été très bien à jouer. Si on est un des personnages, on aurait été très impliqué dedans. Mais à lire comme ça, bah, en tant que lecteur extérieur à l'intrigue, on se fait quand même un peu chier parce que c'est très lambda, il y a beaucoup de clichés. Bah, l'équipe, c'est tous les clichés d'une équipe que vous avez fondée dans un jeu de rôle de fantasy ordinaire de type Donjons et Dragons. Donc il va y avoir le voleur, il va y avoir le prêtre, il va y avoir le rôdeur, le tank. Enfin voilà, il y a tous les clichés. Le barde. Le mage, le barde, voilà. Hans. Hans. Le chien. Non, il est de l'autre côté, Hans. Ah. Il y a un chien aussi, normalement. Je crois pas qu'il y ait un chien. Quoi, il n'y a pas de familier dedans? C'est n'importe quoi. Non, c'est bon, je me barre. Enfin voilà, du coup, ça donne un résultat très académique, même dans l'univers, et il n'y a pas grand-chose qui surnage. Même graphiquement, c'est pas moche, mais c'est très académique. C'est pas transcendant. Le découpage est très classique. Donc au final, on se fait limite un peu chier à lire, surtout bah, que moi, pour ma part, j'ai fait pas mal de jeux de rôle, de fantasy, et que du coup, les campagnes comme ça, j'en ai fait plein. Donc, que cela pète. Non mais moi je trouvais élitiste. Voilà, je te trouve un peu égocentrique là. J'ai déjà fait en campagne, ça m'intéresse pas de leur lire. Vraiment les joueurs de D&D, franchement, chaque fois peut-être plus haut que leur cul, élitiste tout le temps. Mais en même temps ils jouent à des vrais jeux. Mais il y a Batman. Mais voilà, c'est le truc qui m'a le plus distrait dedans, c'est qu'il y a un vigilante médiéval en mode chevalier sur son cheval et c'est Batman. C'est au niveau design comme au niveau caractère. C'est Batman. Moi j'aurais plutôt dit le hibou des Watchmen, mais. Non, il y a des cases. Un peu médiéval, mais. Il y a des cases, c'est vraiment Batman visuellement, c'est avec la cape et compagnie. Ah. Mais ça, encore une fois, c'est un truc très récurrent dans les campagnes de jeux de rôle que le MJ, pour la déconne, mette un personnage qui soit un gros rappel de la pop culture. Des gobelins vous attaquent, et là, Superman arrive, hein. Peut-être pas à ce point-là, mais. Pardon. Je fais tourner aux camarades, mais ouais, visuellement, c'est. Il y a quand même des passages où c'est pas très très beau. Après, c'est pas laid non plus. Mais... Moi, ça m'a pas vraiment attiré, donc... C'est peut-être pour ça que Sam l'a lu autour de la table. C'est pas trop ma cam. Bah, à la base, c'était justement l'aspect très jeu de rôle qui m'attirait, mais vu que finalement, il apporte rien de plus par rapport à un vrai jeu de rôle, ouais. C'est vrai que c'est pas passionnant. Au niveau du design, il me fait plus penser au hibou quand même aussi. Ça dépend les moments, vraiment. Bah, tu vois ce que je veux dire. C'est un hibou qui a des poses de Batman. C'est ça. Ouais, en même temps, le hibou est inspiré. Oui, Batman, quand même. Ouais, mais globalement. Oui, bien sûr. Mais là, au niveau chara design, quoi, c'est. Bon, et puis j'ai eu du mal avec la scène où le bard entre dans un club de jazz. et qui joue tout seul et fait pas attention aux autres. Et qui joue tout seul et qui fait pas attention aux autres. Et qui veut que le public crève. En fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment tous des connards. Les bardes, ces enculés. Ah, d'accord, ok. Pourquoi enculés ? Attendez, mes amis, je vais faire un sort de furtivité pour qu'on se fasse pas détecter. Et là, t'as le bard qui se met à faire de la musique, ça réveille tout le monde. Mais du connard ! Mon dieu. Est-ce que tu as fini avec Night Dominion et Sam ? Ouais, voilà. J'ai une question. La fin, du coup, il y a un joli cliffhanger ou... Bah, il y a de quoi faire un tome 2, en tout cas. Okay. Oui. Après, comme le reste m'avait pas fasciné, on va dire que le cliffhanger, j'étais pas plus dedans que ça. Mais en soi, il y en a un, oui. Ok. Bon, vaut mieux lire Glouton et Dragon, quoi. Ouais, quitte à lire un truc de fantasy. Enfin. C'est pas le même style, mais. Oui, quitte à lire du comics de fantasy, parce que là on est sur du comics, on va plutôt lire. Comment ça s'appelle le gamin là qui disparaît dans la forêt, qui revient en espèce de gros Conan là, voilà, Birthright. Ça, c'est de la ça, bonne. C'est très très bien. Voilà, mieux vaut lire ça. Ouais, qui a une grosse inspiration Donjons et Dragons, si on... C'est vrai. Vraiment, on va plutôt conseiller ça. Mm-hmm. Birthright. Bon, on va laisser Night Dominion derrière nous, on va rester dans le comics. On va lire un autre comics qui parle de jeu rôle tout à l'heure, mais bon. Oui. Voilà. Mais là, pour l'instant, on va parler de Critical Hit. Enfin, on va parler. Issam, Alex et Necro vont nous parler de Critical Hit. On va dire que c'est du militantisme qui tourne mal. C'est ça. Personnes qui sont... Écrit et dessiné par qui ? Bon, on a une magnifique cover de Phil Noto. Donc, c'est, c'est tout ce qu'il fait. Scénar voilà. De Matt Miller... Dessin et ancrage Jonathan Brandon Sawyer, couleur de Doug Garbark, lettrage original Grank. Ouais, c'est bon, on peut s'arrêter là, je crois. Et puis après, c'est le logo. Voilà, c'est bon, ils ont mis tout. Cuisinier. Non, sinon. Bah... Jazzman. Ah, ça y est, on a trouvé un nouveau truc. Chien des auteurs. Donc dedans, on suit... Je vous raconte pas les jazzmen qui ont des chiens. Hein. Merci à Philou de me soutenir tous les soirs. Les jazzmen qui ont des chiens et des enfants. Oh putain, les... Non, mais les enfants, c'est lui qui a un problème avec. Ah, j'aime bien ça, les enfants. Toi, ça va? T'aimes bien quand ils sont morts? Ça, les enfants. T'aimes ça va quand ils sont morts, c'est ça? Non, même quand ils sont vivants. Vous avez quelque chose à me dire, Hans? Ils débattent. Il est horrible. Hein. Putain. Même quand c'est pas Hans, il est horrible. Ouais. Non, sinon, on suit quelques personnes qui essayent de protéger les animaux, on va dire. Contre des chasseurs qui sont un tout petit peu vénères. Et ça dérive. Franchement, on a vraiment l'impression que ça dérive en thriller horrifique, quoi, tellement ça va loin. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, vous. Ah, mais après, je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu, merde. Qui l'a lu ? Moi, j'aurais aimé que ça aille encore plus loin, mais bon. Ouais, c'est-à-dire, ça, t'es d'accord, à un moment, ça part. T'as l'impression de te retrouver dans un bon film d'horreur où tu dis waouh, on en est où c'est là ? C'est un peu court pour partir suffisamment loin, en fait. Moi j'ai trouvé ça très court. Ouais. Parce que c'est un one shot. C'est un one shot. Ça méritait deux chapitres de plus. Mais un tome de plus, je veux dire, ça, il aurait pu faire une histoire où vraiment ça partait. Mais là déjà ça part dans des bails bien sombres hein, parce qu'il y a séquestration, il y a. Ah bah ça part en couille en deux pages. Ça... Hein, séquestration, il y a atteinte physique mais assez violente. Bah parce que ça fonctionne sous forme de flashback en fait. Dès le début elles sont séquestrées par des chasseurs et après c'est des flashbacks qui nous expliquent petit à petit comment elles en sont arrivées là tout en ayant des passages qui suivent leur tentative d'évasion. Et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'elles y vont pas de main morte dans leurs actes, c'est-à-dire que. Elle tombe sur le campement de ses chasseurs, elle défonce la maison, elle crame les bagnoles, enfin elle fout le. Footloose-boule. Vraiment un gros bordel quoi. Fout le boxon. Ah, elles y vont un peu franco. Ouais. Elles y vont vraiment franco enfin, quoi. Ça se passe finalement, c'est le plan qu'on voit au début, parce que c'est vraiment dans le désordre, c'est plus ou moins le plan final quoi. Ouais. Narrativement, c'est monté dans le désordre. Bah, en gros, si tu préfères la fin, on te la. Raconte petit à petit, et c'est comme disait Issam, il y a des flashbacks au milieu pour te raconter la genèse. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas arrivés premier jour à cramer ça, quoi. C'est il y a quelque chose. Il y a une évolution, mais l'évolution, elle n'est pas dans l'ordre. Elles auraient pu, hein. C'est vrai qu'elles sont presque aussi extrêmes que Chuck Norris dans Forest Warrior. Quoi. J'ai trouvé ça bizarre le moment où elle rajeunissait pour devenir petite. J'ai pas compris l'œuvre. Après c'est sympa, ça traite des thèmes intéressants, mais le souci c'est que ça manque de temps et de place pour bien les traiter. Par contre esthétiquement c'est vraiment cool. Il y a... Ouais. Perso j'ai pas accroché. C'est pas dingue. Hein. Ah bah j'ai trouvé ça cool. C'est pas mauvais mais c'est pas dingue. Et c'est vraiment que c'est... c'est vraiment personnel hein, la façon dont on ressent les dessins, on ressent les illustrations. Ah bah c'est comme la sensibilité au jazz. Putain. C'est le faire chier tout. C'est ah, le... Moi je, voilà. Moi ça me fait chier. C'est le style graphique que je qualifie un peu de casse-gueule, je crois que j'en ai parlé déjà la dernière fois, c'est que par moments ça peut être vachement cool dans le mouvement ou quoi, mais t'as beaucoup de plans qui sont faits à l'arrache et c'est pas très beau quoi. Ouais, des planches qu'il a pas eu le temps de finir à temps et qui torchent un peu peut-être. Mm. Ben, on a préféré que Phil Noto fasse pas que la couve. Ouais, non mais bon voilà quoi, on va pas espérer un miracle. C'est vrai que la couve est un peu mensongère du coup au niveau visuel. C'est un autre auteur qui l'a fait donc. C'est ouais. Le quotidien du comics quoi. Enfin, ouais, c'est récurrent mais bon. C'est voilà, on en parle. Il y a beaucoup de couves là qui sont pas du tout représentatives de ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, non mais je suis d'accord. Hein. C'est un truc récurrent dans le comics. Hein. Mm. C'est des trucs, tu te dis, ah, oh, ça claque! Et là, tu te rends compte que c'est un auteur qui a rien à voir qui a fait l'illustration de couverture. Et t'es content. Et tu te dis, merde! Des fois, ça peut amener des bonnes surprises. Hein. Ou des fois, non, pas du tout. Et voilà. C'est un gros sale moment. Ouais, des fois, c'est l'inverse. Les couves sont moches, mais à l'intérieur, c'est beau. Ouais, t'as les... C'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. C'est plus rare. Parce que là, j'ai pas d'exemple, honnêtement. Ça. Ça m'est déjà arrivé, hein, sinon, ça m'est. Non, c'est vrai, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple là, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une couverture qui était vraiment dégueu et puis d'ouvrir, de me dire mais pourquoi ils ont foutu cette couverture là, c'est con. Toutes les couvertures des kiosques de Panini, mais bon. Ouais, ouais mais c'est Panini. C'est ça. Genre, on parle de vrais éditeurs ici. Oh là là. Ils auraient dû rester à faire des sandwichs. Hein, oh là là. C'est vrai qu'on aborde aucun. Ah ouais, aucun manga ni comics Panini. D'accord. Ben, ils sortent quasiment... J'ai regardé un peu leur planning des sorties pour les mois à venir. Panini, c'est triste. Ils sortent quasiment rien, en fait. Panini, c'est triste. T'aurais pu t'arrêter là, en fait. Non, mais c'est... Moi, j'aimerais dire, c'est des connards. Il y a même... Ah, eux aussi. Ben, un peu, il y a même pas la suite de... Non, c'est les connards, on en avait pas encore. C'est Pika, c'est des enculés. Je crois que c'est Glénat, les putes. Et Panini, du coup, c'est des connards. Ah oui, Panini, c'est des connards. Ouais, je suis désolé, c'est des connards. Je me désolidarise. C'est... Non mais voilà, mais il y a de... on en parlait quand on l'avait critiqué pour la première fois, on parlait de le truc avec les rôdeurs de la nuit. Ah oui. On disait c'est super sympa, ah, bah, l'édition les lecteurs, est moche et ça va pas être, et on a l'impression que ça va pas aller au bout. Voilà. Et Soleil Manga, c'est quoi ? Il y a trois tomes, le quatrième tome, ça fait des mois. Alors ça fait un carton au Japon. Hein, enfin... Et je suis sûr qu'en France, ça fera un carton aussi si ils avaient fait un. Ah bah si c'était mieux traité, ils ont même pas fait de com pour la sortie. Voilà, s'il y avait une com. S'il y avait une com, s'il y avait des éditions décentes, parce que honnêtement, l'édition, on est revenu 10 ans en arrière dans l'édition de manga. Alors qu'au Japon, je crois, c'est y a un quatuor de manga un peu montant comme ça. Donc t'as Made in Abyss, Les Rôdeurs, un truc avec les enfants là. Made in Abyss Promise Neverland. Promise Neverland, et le quatrième, c'est. Enfin, Promise Neverland, ils en sont déjà 8 tomes, donc la montée. Non, mais je veux dire, c'est les 4 vraiment qui se vendent vachement bien en ce moment, quoi. Le quatrième, je sais plus ce que c'est, ça va peut-être revenir après, mais. Bah, My Hero, non. Non, c'est autre chose encore. Ça commence à être bien monté. Bah, My Hero. Et c'est étonnant de voir le traitement qu'il y a comme ça en France d'un titre qui marche super bien, quoi. Bah, oui, bah, enfin. Bah, c'est Panini, quoi. Ouais, c'est Panini. Ils sont pas fous. Made in Abyss et Promise Neverland, ils ont été très bien traités. Hein. Mm. Enfin, on va peut-être essayer d'arrêter de parler de Panini, parce qu'en plus, on parle même pas de leur livre, là. Enfin, leur truc, parce qu'ils sont pas sortis de toute façon. Non, c'est un peu le coup de gueule que je voulais pousser, voilà, pour tous les lecteurs des Rôdeurs, c'est chiant. Ils attendent le tome 4 et je pense qu'ils l'auront jamais, soyons honnêtes. Bah, ils l'auront en scan. Voilà, ça va relancer le torrent. Ça va être moi, bien. Moi, je veux l'avis de Hans sur cet éditeur d'origine italienne. Alors. Il a été fanté par un très bon ami de mon clan, hein, nos salons. Je me barre. C'était une époque où tout se passait bien. Il faut que les beatniks reprennent l'Italie, les Fellini, les Copani, tous ces chants qui fantaient une sexualité débridée, qui fantaient la tolérance, c'est qui ont perdu l'Italie. Heureusement que nous avons eu Berlusconi pour redresser un peu notre bon pays. Mais justement, il me semblait que tout ce qui était débridé, vous appréciez plutôt. Ah oui, j'aime bien quand c'est débridé, mais seulement quand c'est les chants qui sont débridés. D'accord. Quoique le Japon, dans les années 40, avait aussi une politique assez intéressante. J'ai cru qu'il allait dire que le Japon était débridé. Merci Hans, merci pour cette avalanche de culture. Ce jeu de mots ne fonctionne pas en allemand et j'ai encore un peu de mal avec votre langue. Je maîtrise beaucoup mieux l'espagnol. Tiens, Hans, va chercher. Pendant qu'il ramasse son bâton, tu on l'invite pas la prochaine fois, si. Malheureusement, maintenant il est. Ah merde. C'est suite à leur opération, ils sont collés ensemble maintenant. Faut que je trouve d'autres personnalités maintenant. C'est depuis qu'ils ont été opérés, ils sont toujours ensemble. Hein. Ouais. C'est ça qui est malheureux. On est très serré maintenant dans la baignoire. Quand on prend notre bain. Bon. Cette obsession que vous avez avec le bain, qui peut rappeler l'obsession de ce personnage. Mais ta gueule. Jazz. Ne serait-ce pas une sorte de fantasme. Ça a pas marché ta gueule là ce coup-ci, t'as vu. Vision. Alors, est-ce que vous en avez fini avec Critical Hit, messieurs? Est-ce que c'est un titre que vous recommandez? Moi, c'est plutôt Osef. Mais... Ouais, Osef. C'est pas méchant, c'est juste que c'est. Voilà quoi. C'est oubliable. Ouais, carrément, ouais. Pour un profane, ça passe. On va dire. D'ailleurs, moi, je suis déjà un peu plus un profane au niveau du comics et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mmh. Ouais, mais même pour un profane, du coup, on recommandera des comics qui sont géniaux. Bah, et puis, sans doute mieux autour de cette table. Ouais. En fait, ce qui est embêtant, clairement, c'est que t'en tires aucune substance, quoi. Ouais. Il aurait pu avoir un message ou quoi. Alors que oui, alors que pourtant il y a un fond, enfin il y a un début de fond. Il y a un début de fond, mais non. Qui n'est pas développé quoi. Même sur les fans battus d'ailleurs, vu qu'il y en a une qui se fait. Ah bah pas qu'une. Ouais, elles se font un peu exploser la gueule. Puis même la méchante. Non, mais je veux dire, il y en a une, c'est par son copain, parce que sinon, ils se font tous déglinguer par les chasseurs. Mais... Ouais. Oui, toi tu parles de violence conjugale. Ouais, voilà. Messieurs! Est-ce qu'il serait pas temps de passer au prochain titre de cette sélection? Par contre, tu devais être content, le chien qui se fait... Ah! Ah, voilà. Ah. J'osais pas le dire, mais rien que pour ça, je l'ai acheté. Là, je pense qu'en torture animale... J'ai enlevé les pages et je les ai encadrées chez moi. Oh, mais du coup, une question me brûle les lèvres. Oui. Est-ce que Hans aime les animaux? Est-ce que Hans aime les chiens? Les perchés allemands. Voilà, c'était... Est-ce que Hans aime les chats? Est-ce que Hans aime le jazz? Ah, le chasse, non, c'est une musique. Non. Non, tais-toi. Ne termine pas ta phrase, s'il te plaît. Ne termine pas ta phrase. On va parler maintenant de Holiday Junction. Édité par le Lézard Noir. Le perché allemand, c'était celui qui chantait la groupie du pianiste. Putain. Édité par le Lézard Noir, écrit et dessiné par Shinzo Keigo, à qui l'on doit Tokyo Alien Bros, également édité par le Lézard Noir en... C'est 3 tomes, Tokyo Alien Bros? Ouais, 3 tomes. Voilà. Holiday Junction, il n'y a pas vraiment de pitch, puisque c'est une compilation, c'est une anthologie plusieurs nouvelles. Il y en a combien dedans? Il y en a une 8, je crois. Je ne sais plus exactement combien il y en a. 7 récits. Il y a 7 récits dedans, qui sont tous plutôt centrés... Ouais, mais différents, mais plutôt centrés sur le sentiment amoureux. Alors, pas forcément l'amour avec un grand A. Ça peut être l'amour d'un père pour son fils, l'amour d'un petit chat pour son maître, un amour un peu torride entre un jeune couple. Voilà, c'est différentes sources d'amour. Entre un frère et une sœur. Entre un frère et une sœur aussi. C'est différentes formes d'amour qui vont être décrites tout au long de ce recueil. Voilà, messieurs. Alex, qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai plutôt bien aimé. Il y en a une seule, je pense, qu'on est assez unanime, qui pose... qui est un peu bizarre, un peu difficile à lire. Alors c'est la préférée de notre camarade Sam, mais... Non, deuxième. C'est celle du chat, ma préférée. Ah oui, non, mais celle du chat, c'est du chat, je pense que c'est notre préférée à tous. Oui. Il y en a plus une en particulier qui m'a un peu posé problème, parce que ça traite d'un sujet un peu limite dans nos contrées. Un peu limite, un peu tabou, quoi. C'est une petite fille qui se fait gentiment draguer et qui rentre dans le jeu d'un homme un peu plus âgé. Et, qui, lui, est sentimentalement un peu perdu, un peu paumé. Et donc, qui va se réfugier dans cette petite fille. Et ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Après, c'est plutôt bien traité, je trouve. Mais c'est la plus dure à lire. Après, le reste, c'est super sympa. Il y a des notes plus légères, notamment... la nouvelle avec le couple torride qui s'envoie en l'air pendant que Godzilla est en train de ravager la ville autour d'eux, donc voilà, c'est... Il y a la perspective entre la destruction de Godzilla et leur rapport qui devient de plus en plus torride, voilà avec la jouissance féminine au moment où Godzilla défonce vraiment les baraques à côté d'eux. Après, comme on a dit, l'histoire avec le chat est vachement touchante, donc c'est vrai que c'est super sympa de traiter le sentiment amoureux comme ça de diverses façons. Donc j'ai beaucoup aimé, ouais. Moi c'est pareil, exactement du même avis qu'Alex. C'est notre camarade Issam qui a, comme d'habitude, des petites remontrances. Pourtant il n'y a pas de jazzman ni de chien. Non, alors pour le coup c'est totalement subjectif ce que je vais dire. Visuellement c'est très beau. Il n'aime pas l'amour. Ça s'est posé. Oui, mais ça de toute façon c'est très beau. Oui, c'est... Ouais. Et en fait, voilà, c'est sur les 7 nouvelles, il y en a 2 que j'ai vraiment bien aimé, celle du chat et celle du pédophile. Oui. Voilà. Parce que je trouve que c'est les deux qui vont au bout de leur concept. justement celle du pédophile m'a mis mal à l'aise parce qu'elle va au bout de son idée, elle traite vraiment son thème. Mm-hmm. Les autres, la plupart, je trouve qu'elles ont une très bonne idée à la base, notamment celle du celle des deux potes qui se retrouvent, oui. Et celle de Godzilla, c'est des très bonnes idées à la base, mais c'est pas mené à terme. Pour moi, il manque quelque chose, peut-être quelques pages, pour que ce soit pleinement abouti. Alors pour celle des deux potes, je peux comprendre, pour celle de Godzilla, je vois vraiment pas ce qui manque, mmh. En fait. Au contraire, je trouve qu'il y met un point final assez drôle. Point final, c'est, le, bah, c'est la jouissance, ouais, du coup. L'orgasme en même temps que Godzilla coupe la maison en deux. Ça n'a pas suffisamment fait... Ça n'a pas suffisamment... J'ai pas trouvé ça suffisamment drôle pour que ça suffise en tant que comique. Le message sur la correspondance amour-destruction, un peu héros, c'est Thanatos, si je puis dire. c'est... Il est là, mais il est là de manière très superficielle. Et au final, voilà, c'est une bonne idée, mais je vois pas où ça veut m'amener. Moi, j'ai plutôt eu ce sentiment-là sur l'histoire avec le pépé, là. Le pêcheur, hein. Ouais. Oui, ouais. Qui dragouille une jeune fille. Bah, elle est... Une jeune femme, plutôt. Elle est sympa à lire, mais il n'y a pas d'aboutissement. Oui, par contre, celle-là, vraiment, oui, il n'y a pas d'aboutissement. Sur celle-là, ouais, je suis d'accord. Mais elle se lit quand même bien, mais il n'y a pas de conclusion, quoi. Oui, oui. Bah, si, plus ou moins. Enfin, encore une fois, je trouve qu'elle n'arrive pas à terme, mais elle a une conclusion. Il y a une conclusion pour la jeune femme, mais pas pour lui. Pas pour le vieillard. Bah, la dernière planche, je sais pas... Bah, au final, il se retrouve comme au début, quoi. Ouais, oui. Mais la dernière... Enfin, je vais la spoiler un peu, on verra si on coupe. La dernière planche, oui, on voit qu'il y a la radio qu'il y a eu l'accident de voiture. Alors qu'elle vient d'apprendre que son copain a eu le permis, oui. Pour moi, c'est ça, la conclusion. Oui, mais du coup, c'est une conclusion pour elle, enfin, parce que, ouais... Après, est-ce que lui, il a compris aussi. Ouais. Pareil, celle du père enfin, et de son gamin qui court le triathlon, l'idée est bien, mais je trouve au final que c'est pas poussé assez loin. C'est, y a pas, on... Alors que tu vois encore celle-là, je trouve qu'il y a une vraie conclusion, encore une fois. Ouais, ouais, elle est là, mais on sent pas suffisamment l'effort du gamin pour moi pour que la conclusion fonctionne en réalité. Mais justement, en fait, la conclusion, c'est justement que le gamin veut plus faire d'effort. Bah oui, mais parce que ce qu'il fait, ça le passionne pas plus que ça. Certes, mais pour moi, pour que ça ait de la force, il aurait fallu qu'on ressente mieux ses tentatives de faire des efforts pour plaire à son père. Mais avant. Bah justement, je trouve qu'on le voit qu'il fait des efforts parce qu'il est surcrevé. Bah pour moi, ça manque de quelques pages pour que ça marche vraiment complètement. J'ai pas le temps de rentrer dedans parce que c'est déjà terminé. Ouais, pour moi, ça marche. Pour moi, justement, la conclusion, c'est que c'est le père qui fait un effort, qui libère son fils. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. Je dis pas qu'il y a pas de conclusion. Je dis qu'au final, ça a été trop court pour que la conclusion ait un impact suffisant. Hmm. Oui, en fait, ton souci, c'est le format nouvelle, quoi. C'est le format Beaucoup, oui, c'est ça finalement qui me pose un peu problème. Mm-hmm. Pour moi, la plus osef, c'est celle du frère et de la sœur. Je m'en souviens même plus de celle-là pour le coup. La fille qui est mangaka, qui a plus d'inspiration quand elle voit son frère faire du sport. Ah oui, oui, c'est vrai que celle-là, elle est osef. Non, je suis d'accord. Bah, je crois que c'est la première. Non, c'est la seconde du recueil. Seconde. Oui, c'est vrai que celle-là, elle est un peu osef. Ouais. Mais pareil, elle est sympa à lire, quoi. Elle est rigolote. Ah oui, non, mais j'ai pas passé un mauvais moment à le lire, surtout que ça m'a pris 20 minutes. Et puis t'as le design de l'auteur qui fonctionne bien, quoi. Ouais. Mais par contre, ça se lit vite, t'as raison. C'est vrai qu'il dessine super bien. Ouais. Clairement. Mais bon, voilà, si vous aimez les chats et les pédophiles, allez-y. Et il n'y a pas de jazzman ni de chien, donc comme ça au moins, on est raccord. Mm-hmm. Bon, c'est quand même un titre que Alex et moi recommandent. Moi, je le recommande chaudement, et puis même Tokyo Alien Bros. Ouais, même Tokyo Alien Bros. Et j'ai cru comprendre que Les Arts Noirs allait sortir une autre œuvre du même auteur. Normalement, c'est prévu, ouais. Cette année, ou fin. Enfin, début de l'année prochaine, peut-être, je sais plus. Et donc du coup on attend. Oui. C'est moi en fait voilà sans avoir été transcendé par celui-là, ça me donnait envie de lire des trucs plus longs de l'auteur, donc Tokyo Alien Bros par exemple. Je les commande demain. Tu vas déjà me commander le quatrième de Rainbow. Ah oui c'est vrai. Merde la commande est passée. Bon bah t'auras ça en août. Le mec qui tient son planning en direct dans un podcast. La prochaine étape, c'est que tu vas m'entendre appeler les diffuseurs. Oui, allô. Je voudrais commander ça, s'il vous plaît. Bon, on en a terminé avec Holiday Injunction. Maintenant, ça va être le long tunnel Issam. Le long tunnel de Issam qui est tout seul à lire des mangas que personne ne veut lire. Pour tous ceux qui me traitent de râleur, vous allez aimer les 10 prochaines minutes. 10 ouais. 20 ouais. 40 ouais. Surtout si Hans s'y met. Bah surtout que j'ai plein d'invités hein. Donc Hans, vous allez m'insister. Oui, bien sûr. Nous allons donc parler ensemble. Et nous avons aussi notre caution culturelle. Oui, je vais apporter un éclairage. J'ai fait une étude philosophico-ontologique pour finir de chacune de ses œuvres. La schizophrénie au plus haut point, quoi. Bon, en fait, il n'y a que Irrésistible, à la limite, que je pense Alex et moi, on aurait bien voulu lire, mais on n'a pas trouvé le temps. Mmh. Issam, tu vas déjà commencer par Too Close to Me. Là où on a posé le micro, hein, bien sûr. Édité par Soleil Manga. Sur le grand air, maintenant qu'on l'a traité. Écrit et dessiné par... Alors, Too Close to Me, écrit et dessiné par Rina Yagami. C'est un shoujo. C'est l'histoire d'un frère qui découvre que sa sœur est adoptée et que donc ils n'ont pas de lien de sang. Et donc, du coup... Et donc, il peut taper. Voilà, donc, du coup, il peut tremper le biscuit. Voilà, ça commence bien. On peut s'arrêter là, hein. Ouais. Honnêtement, ouais. J'ai eu un petit... retour. Ouais. Franchement, quand je l'ai pris, j'avais un minimum d'espoir. Je me disais, ça joue sur un thème... Ça peut être une belle histoire. Super bancale. Et au final, vu que le personnage principal joue du jazz... Non, mais ça aurait pu donner un truc passionnant, bien traité. Pour explorer un peu le côté limite de comme l'histoire. Game. C'était gratuit, c'était gratuit. Comme Insex. Écoutez, ça a déjà duré suffisamment longtemps comme tunnel. J'ai pas envie de parler de cette merde. Alors arrêtez de m'interrompre à tout va. Donc on a une histoire en quelque sorte Siscon, mais pas vraiment, parce que c'est pas vraiment sa sœur. Voilà. Ouais, enfin, bon, c'est pas vraiment sa sœur, c'est pas vraiment sa sœur. Mais elle, elle a envie aussi ou pas? C'est réciproque? Elle sait pas trop, mais en juger par la couverture, c'est un des problèmes. C'est on sait pas si elle a envie mais qu'elle a honte en même temps, ou si elle a pas envie. En fait, le personnage est maltraité, du coup, on sait jamais ce qu'il pense. Est-ce que c'est important pour l'auteur? Voilà, ça joue sur un truc qui visiblement est un fantasme, où l'auteur croit que ce sera un fantasme pour les lecteurs, mais pas des masses en fait. Bah au Japon aussi. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai pas de sœur, mais... Ah si tu savais, je crois que tu fouillerais un peu sur internet, tu perdrais foi en l'humanité. Oh, j'ai déjà fouillé sur internet, mais bon. Ah, là. J'ai regardé un porno Bob l'éponge l'autre jour. Il se tapait sa sœur. Non, mais j'aurais préféré. Non, il s'appelle l'écureuil. Comment elle s'appelle déjà? Je sais. En français, c'est pas Sandy? Sandy, ouais, je crois. C'est ça? Ouais, puis il y a l'étoile de mer, là. Sandy, c'est l'écureuil. C'est ça, c'est Sandy, donc. Non, voilà, c'est pas bien. Les personnages sont maltraités. Ça passe par beaucoup de clichés. De ce genre de trucs. Je veux dire, il y a la scène où... ce sera aussi dans le prochain qu'on traitera d'ailleurs. La scène où le frère sauve sa sœur d'une tentative de viol et du coup ça fait qu'elle tombe un peu amoureuse. Non, enfin. De son sauveur. De son frère. Oui. Ah oui, donc oui, de son sauveur. Vieux. Oui. D'accord. Et bon, arrêtez, je l'ai pas ma sœur, je vais vous montrer comment on fait. Non. Ne serait-ce que ça, c'est limite quoi. C'est tomber amoureux de quelqu'un parce qu'il nous a sauvé d'un viol, bon. Mm. Je sais pas, je trouve ça limite moi. Oh, disons qu'après ça fait un peu abus post-traumatique. T'es bien tombé amoureux de Hans parce qu'il t'a sauvé d'un concert de jazz. C'est une autre histoire. Je vous raconterai une fois, mais on se ferait bannir de PodCloud si je raconte ça. On se ferait bannir de tous les trucs de podcast. Non mais voilà, c'est assez gênant en fait. C'est terminé en 11 tomes. C'est terminé en 11 tomes. 11 tomes. J'ai l'impression que ça a le temps de bien partir encore plus en couille. À la limite, je feuilletterai les prochains tomes. Alors, je pense que je les commanderai pas. Hein. Spoiler alerte. Dans le tome 3, ils essaient le BDSM. C'est mignon. Regarde, il est en train de pleurer. Non, mais voilà. Mais c'est pas grave. Tiens, les feuilletés. Je comprends pas bien pourquoi c'est édité en fait, un truc comme ça. Pourquoi c'est édité en France? Ouais. Parce que c'est Soleil Manga et qu'ils éditent plein de trucs chelous. Ouais, mais bon. Ça pourrait être un début de réponse. Peut-être, mais bon. Enfin. C'est assez géant. Effectivement. Bah, il y en a qui se poseront pas la question de savoir si ça les gêne ou pas. Hein. Ils vont juste. Ils vont juste kiffer leur. Ils vont juste lire l'histoire et ils vont se dire ah, c'est rigolo. Ouais, mais c'est même pas rigolo, c'est pas drôle, c'est. Ouais, c'est niveau romantique, il y a des trucs beaucoup mieux. Même si on oublie qu'ils sont frères et sœurs, il y a quand même beaucoup mieux. Et puis c'est vachement mal dessiné quand même. Il y a des cases qui sont vraiment horribles. C'est ultra basique. Là, celle-là, celle-là, elle est horrible, cette case-là. Ah ouais, non, okay. Ouais, non, non. Ouais, non, visuellement, c'est pas dingue. Et le truc, c'était pas si mal. Et ça, est-ce que t'en as terminé avec Too Close to Me? Oui, c'est mieux, on passe au suivant. Tu recommandes, du coup. Heureusement. Du coup, est-ce que tu veux enchaîner avec Ma Petite Femme? Oh, bah, maintenant avec Ta Petite Femme. Édité également par Soleil Manga. Oui, parce qu'on n'arrête pas une équipe qui gagne. Écrit et dessiné par? Écrit et dessiné par Airi Sano. Ma petite femme, c'est l'histoire d'Inata, une lycéenne qui, il y a quelques années auparavant, a été promise en mariage à un fils d'une riche famille, et qui, quand le manga débute, en fait, elle doit le rencontrer pour la première fois. Et alors que son grand-père, qui a conclu le mariage arrangé, lui avait promis un jeune homme beau, intelligent, et plus vieux qu'elle, elle se retrouve avec un espèce de petit con de 15 ans, pourri gâté, dominateur, ouais, voilà, pourri gâté et dominateur, quoi, c'est Macron à 15 ans. Ah, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas dit Macron. C'est vrai. Et du coup, en fait, je pourrais même pas dire que ça suit leur histoire d'amour, parce que ça suit juste ses tentatives à elle pour accepter qu'elle va devenir l'épouse de ce petit con. Ça en suit fait, une relation toxique, mais traitée au KLM, quoi. C'est un peu ça. Elle passe tout le tome à des fois lui trouver des qualités, puis à se rendre compte que non, en fait, c'est vraiment un connard qui est persuadé d'être irrésistible, qui est persuadé que personne peut lui désobéir, tout. C'est-à-dire que derrière un titre déjà sexiste se cache un manga sexiste, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça, très clairement, lui la considère comme son objet, et elle proteste pas plus que ça, en fait. En même temps, le titre est révélateur. Oui. Ma petite faux. Femme, quoi. Oui. C'est déjà, c'est déjà le féminin traité comme un objet, déjà rien que dans le titre. Quoi. Et alors, encore une fois, on a le traité comme passage où elle commence à tomber un peu amoureuse de lui parce qu'il la sauve d'une tentative de viol. Encore ? Ouais, c'est... Ouais, c'est le cliché de base, ça. C'est la nouvelle collection de Soleil Manga, hein. C'est viol et amour. Et vers le milieu du tome, il y a un rebondissement, si je puis dire, qui va probablement justifier que ça tienne sur 11 tomes, cette saloperie. Mmh. C'est que... Celui-là aussi, 11 tomes terminés. Le frère du mec arrive, son frère aîné, et en fait, du coup, ils se disputent l'héritage familial, c'est-à-dire chacun prétend être l'héritier légitime de la famille, et du coup, par conséquent, ils se disputent la possession de l'héroïne. Je dis pas possession pour rien, parce que c'est vraiment traité sur ce mode-là. Au point qu'il y a tout un chapitre où c'est à celui qui lui offrira des sous-vêtements, quel sous-vêtement elle va porter, le cadeau duquel des deux, parce que ça va la marquer comme la propriété de celui dont elle acceptera les sous-vêtements. Ça me rappelle un truc, c'est une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps que je trouve très vraie, c'est dans les rapports machistes, la femme n'est pas adversaire, c'est la balle. C'est et ben là on est tout à fait dedans. Mais déjà d'où tu offres des sous-vêtements à quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple? Mais les deux partent du principe qu'ils sont en couple avec elle, vu qu'elle a été promise en mariage à l'héritier de la famille. Donc voilà, les deux partent du principe que oui, elle est en couple avec eux. Mon Dieu. Elle a pas à donner son avis. Je crois qu'on est arrivé à un nouveau niveau dans la femme objet. En fait, le truc, c'est qu'on dirait un mariage du 18e, on dirait Angélique, marquise des anges, mais à notre époque. Et en manga. Et avec les sous-vêtements. Non, mais voilà, on a passé un sachant qu'en plus, il y a tout un côté sexualisation, alors que les personnages sont assez jeunes. Enfin, je sais plus quel âge ils ont, peut-être 16 ans, mais... Tout est détestable. Soleil Manga, merci, vous avez réussi un joli doublé. Y'a pas de fanservice, c'est déjà ça. On avait dit qu'on arrêtait de lire de la merde. Ça dépend ce que t'appelles fanservice, hein, parce que tu la vois pas mal en sous-vêtements quand même. D'accord. Donc c'est vraiment détestable de tout en bout. Tu vois peut-être pas sa culotte, mais tu la vois pas mal en soutien-gorge, quoi. Bon, ouais, est-ce que tu veux... Ouais, bah, je n'étais pas obligé de le voir. D'ailleurs, ça me fait penser que t'as réussi à te débarrasser des No Game No Life. Hein. Non, il en a un rayon. Ah. Bon, Issam, est-ce que tu voudrais pas passer à Irrésistible, qui a l'air déjà beaucoup mieux. Édité par Kana, écrit et dessiné par Azusa Massé. Et donc, du coup, est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux, alors. Irrésistible, c'est l'histoire de Serena, qui un jour découvre sur sa table de classe une chanson d'amour, en fait, les paroles d'une chanson d'amour. Qui ont été écrites par un première, elle est en seconde et lui il est en première, dans mon souvenir, qui s'appelle Mizukawa, et du coup elle se dit, est-ce qu'il est en train de me draguer, est-ce que c'est une déclaration d'amour, ou est-ce qu'il est juste jazzman et du coup et du coup il a pas quelque chose qui existait, en train d'écrire sa prochaine chanson. Ça va te suivre, ça va. Des chansons de jazz. Ça va être trop bien. Bref, du coup, elle va tenter de se rapprocher de ce garçon qui alterne entre des passages où il est très chaleureux, très gentil, mais toujours quand il va pas se faire voir, et quand il est en direct avec elle, il est gêné, il est assez froid. Donc elle va essayer de se rapprocher de lui. Et assez vite, ils vont finir en couple, hein, dès la fin du premier chapitre. Ils sont ensemble. Et donc, ça suit voilà, leur histoire d'amour à eux deux, la découverte de la vie de couple et de leur désir. Sachant que, premier truc intéressant, c'est assez équilibré dans celui des deux qui fait avancer la relation. C'est chacun leur tour, et c'est limite un peu plus elle qui fait avancer la relation. C'est toujours elle qui est assez entreprenante, qui va demander à aller chez lui, qui va rechercher ce genre de truc. Tandis que lui, alors que c'est l'aîné, va souvent être assez gêné. Voilà. C'est une belle histoire d'amour. Les personnages sont tous les deux super attachants. Quoi ? Non, rien. C'est avec la gueule qu'elle fait sur une case. Ouais. On est d'accord que visuellement, ça casse pas des bas. Ça fait voir, là. Non, visuellement, ça casse pas des briques, mais... Cette tête n'existe pas. Bon, c'est pas moche, hein. Mais clairement, on a vu beaucoup plus maîtrisé. C'est quand même pas mal fait. Mais du coup, avec tout ce qu'on a lu, par exemple, depuis le début de l'année, qu'est-ce qui me ferait, par exemple, lire ça? Honnêtement, si tu... Il y a plusieurs autres shoujo que je recommande plus que ça. Mais, ouais. Mais c'est agréable à lire, on passe un bon moment. Ah oui, ça va, oui. Quand tu dis entreprenant, oui, ça va. Ouais. Oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Ils font quoi? Bah oui, c'est... Non mais à ce niveau-là, ça m'a rappelé un peu My Brother, même si c'est moins bien. Bah ils ont quel âge? My Brother. Hein? Wow. On voit pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est... Non mais tu dis, oh mais c'est un tome 1 d'un shoujo, il y a des mains qui vont sous les vêtements. C'est pas courant non plus. Bah c'est pour ça que ça m'a rappelé My Brother, oui, voilà. À la fin du tome 1. Pareil, voilà, c'est... Y a pas le côté, on passe 10 tomes à ce oui, dragouiller. Voilà. C'est pas mon histoire. Non, voilà, c'est... Tu veux dire, vas-y, va lire mon histoire. Ton histoire? C'est... Mon histoire, c'est un shoujo. Je connais pas. Un shoujo qui a beaucoup marché. On est désolé pour ta vie privée. Ouais, je croyais que tu parlais de ton histoire privée. Mais non, il parle de ça. Ouais, d'ailleurs, mon histoire, tu verras. J'ai souffert. Tu connais pas mon histoire? C'est un shoujo édité par Kana. Et pendant les 6 premiers tomes, les personnages sont en panique parce qu'ils boivent chacun dans le même verre. Non, mais voilà. Et donc, c'est un baiser. Ça, c'est chiant. C'est un contact, quoi. Ouais, tandis que là, voilà, c'est. C'est ça le va progrès. Assez vite. Ils assument leurs désirs, ils assument leurs envies. Donc voilà, c'est agréable à lire, c'est pas le shoujo du siècle, loin de là, c'est pas transcendant, mais on passe un bon moment. C'était la conclusion? Bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. D'accord. Et bien voilà, nous sortons du tunnel réservé à Issam. Tunnel nous shoujo, avons, je précise. Hein. Nous avons survécu. Nous nous portons bien. Bah ouais, vous avez pas lu Ma Petite Femme et Too Close to Me, vous m'étonnez que vous vous portez bien. Ah, ça va, je le vis bien. C'est ça. Y'a personne qui t'a obligé, hein. C'est ça. Oui et non. Moi j'ai dit j'y touche pas, donc comme ça... Bon. Ça traînait, par réflexe je l'ai pris. Messieurs, Nécro et Alex vont prendre la parole avec Issam. Lui il la garde jusqu'à la fin de cette putain d'émission de toute façon. Et vous allez nous parler de Jimmy's Bastard, édité par Snorgleux, scénarisé par Gersenis, mais dessiné par je ne sais plus. Alors, dessiné par... Sur la couve. Tac, tac, tac, Snorgleux, hein. Donc, Gersenis et Ross Brown. Qu'est-ce que ça vaut, Jimmy's Bastard, messieurs? De quoi ça cause, déjà? Des bâtards de Jimmy. James Bond en version trash. Je ne peux pas décrire mieux que ça. C'est Garcinis qui se fait plaisir et qui tourne plus qu'en dérision. C'est carrément de l'humour potache maintenant. Alors, il se fait plaisir, mais est-ce qu'il nous fait plaisir? Ah, cette question. Bah, je pense que c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Pour c'est le coup, vraiment la sensibilité des gens. Et, c'est ça. Ouais, j'ai apprécié parce que j'étais habitué quand j'étais tout jeune à lire des trucs... les bandes dessinées vraiment dans ce délire-là. Il y avait beaucoup ce style de bande dessinée-là dans l'écho des savanes, où il y avait par exemple un truc qui était une parodie de Conan, où c'était vraiment juste tellement gore que ça devenait n'importe quoi. Je veux dire, le mec il donnait un coup d'épée, t'avais 3 saucissons qui volaient, parce que c'était même plus... Je veux dire, c'était de la boucherie. Et bah là, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que si jamais il y a un peu de sexe dans la James Bond, bah là ça finit en partout. S'il y a un petit peu de sang, bah là ça, c'est de la cervelle éclatée, du corps découpé n'importe comment. Enfin, c'est. Alors c'est bien beau, mais pour l'instant on n'a pas encore causé de l'histoire. Bah, en gros, l'histoire c'est une parodie de James Bond qui va se retrouver pourchassé par toute sa progéniture, aussi bien garçon que fille, qu'il a eu avec un nombre incalculable de compagnes d'un soir. Donc comme James Bond, encore une fois, ouais. Parce ou Starbucks. Pour parler vulgairement, c'est un gros baiseur, quoi. Un gros quetard. Un gros quetard, ouais. Et donc voilà, bah c'est une énorme secte en fait de sa progéniture qui va, il va vouloir le tuer, quoi. Et foutre un peu aussi le boxon dans le monde entier. Et du coup, est-ce que c'est bien? C'est pas plus que ça. Il y a des passages qui m'ont fait marrer, ouais. Donc après, je peux pas complètement cracher dessus. Hein. C'est, disons que moi, ça m'a fait marrer un chapitre, et puis après, enfin, toutes les blagues sont à base de trucs gore, de beats, de sodomie. Ouais, passer un chapitre, ça fait un peu gamin qui met des mots vulgaires pour faire marrer. Hein. Bon, c'est Garceny, s'il s'est fait plaisir, bon, ça m'a fait rire après. Je peux comprendre que ça soit pas du goût de tout le monde, quoi. C'est le Garcenis gamin. Ouais. Donc, peut-être pas gamin, mais qui se lâche complètement et s'en fout, quoi. Ah, on est très dans l'humour premier degré, de toute façon. Hein. C'est. T'es le Garcenis gamin vulgaire, je veux dire. Mm. Parce que c'est pas le cas de Preacher, par exemple. Non, du tout. Sinon, donc correctement dessiné, pas de soucis. Vous êtes tous les trois d'accord? Oui, ouais, vous ouais, m'avez pas l'air motivé sur Jimmy's Bastard, messieurs. Bah, c'est dur d'en senser le titre, dans le sens où, comme Necro le disait au début, c'est selon la sensibilité de chacun, c'est vachement potage, donc c'est soit tu accroches et tu vas te marrer un bon coup, soit t'accroches un petit peu et puis à la fin t'en as marre, un peu comme Issam. Et puis ceux qui le prennent un petit peu trop au premier degré, ils vont trouver que c'est une œuvre à construire, à brûler, et puis il faut brûler l'auteur aussi. Ouais. Là, c'est délicat. Bah, c'est un peu l'humour à la American Pie et compagnie, quoi. C'est trop de vulgarité. Ouais, c'est encore au-dessus, je trouve. Ouais, c'est encore pire. Et déjà, American Pie, moi, ça me gonfle au bout de quelques minutes. Alors là, voilà, j'en ai vite eu marre. Enfin, qualitativement, c'est un petit peu mieux qu'American Pie quand même. Honnêtement, non. Je trouve pas. Ah. Moi, ça me dérange pas, ce genre de lecture. Enfin, ça va, quoi. Ouais, c'est un gros trip, quoi. C'est vraiment... Oui, c'est pas un... Il en faut, c'est ça que t'as envie de dire. Ouais, bah, des fois, ça fait du bien de rigoler. Après, bon, faut pas que ça devienne non plus tout le temps comme ça, quoi. Oui, si l'auteur fait que ça, au bout d'un moment, ça les agit. Mais sinon, ouais, c'est un craquage. Faut voir ça comme un craquage. C'est un tome 1, il me semble. Ouais. Il me semble que la série est terminée aux US, mais je ne sais plus en combien c'est. Je crois pas que ce soit fini. C'est toujours en cours ? Ouais. Donc édité par Aftershock aux États-Unis. Mm. Comme beaucoup de titres édités par Snorbleu chez nous. J'ai l'impression que vous en avez terminé avec Jimmy's Bastard. Ouais, il y a pas grand. Bah, comme il y a pas grand chose à dire. Comme il y a pas de fond, oui, il y a pas grand chose à dire. Mm. Non, c'est vrai, il y a pas. Alors, je suis d'accord avec lui. C'est marrant parce que la couverture, ça m'a fait penser au début. Quand j'ai vu la couverture, ça m'a fait penser au truc par Lico Winch, les trucs comme ça. Mm. Oh, c'est volontaire. C'est un truc entre Largo Winch et James Bond. Je pense que oui, ça c'est volontaire, clairement. Ouais, bien messieurs, on va passer au titre suivant qui logiquement devrait plus vous faire parler, puisqu'il s'agit de The Fix, édité par Urban Comics. Je pense que c'est Alex qui va nous en parler. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de tes gros titres du mois. Moi, je vais essayer de faire un bon résumé alors. Ah ! Oh là là ! Le résumé ! Le résumé. Ça va être mon générique, merci. Alors, le résumé de Alexandre. Pour résumer efficacement The Fix, on va dire qu'on découvre un duo de policiers. Petite seconde, il a dit résumé efficacement, vous vous souviendrez de ça dans 10 minutes. Donc le duo de flics Roy et Mac qui n'ont aucune limite, parce que en fait ce sont des ripoux qui font à peu près tout et n'importe quoi. Pour illustrer la chose, l'histoire s'ouvre en fait sur un braquage qu'ils font dans une maison de retraite pour aller chourer le pognon d'un ancien... C'est un cambrioleur ou un... Enfin, mafieux, c'est un criminel, quoi, en fait. Ouais, un mafieux, ouais, t'as raison. Et en fait, ils se déguisent pour aller chercher le pognon du mafieux et ensuite intervenir en flic sur la scène pour prendre la plainte, etc. Donc voilà, en fait, on va découvrir l'envers du décor de la police corrompue au travers de ce duo qui fout le bordel tout le temps, quoi. Sachant que c'est assez vite posé aussi que c'est pas forcément des flèches, les deux mecs. Non. Parce qu'il y en a un qui intervient dans le braquage avec une espèce de chemise hawaïenne. Il en fait, il garde la même tenue, ouais. Et quand il débarque en flic, il a exactement la même chemise, ultra reconnaissable. Mais c'est complètement décomplexé, ça aussi, comme histoire. Hein. Je veux dire, la fin... J'ai l'impression, je sais pas si vous avez déjà vu à peu près GTA Vice City, ça vous dit quelque chose? Vaguement. C'est, c'est un peu je crois que c'est un petit jeu qui a eu un certain succès. Ah, c'est pas très connu, ouais. GTA Vice City, il y avait un peu ce humour-là. En très, parlant de ça, vous avez vu direct. Ce jeu qui vient de sortir, Mario, ça s'appelle, ça a l'air sympa. Non, non, mais vous auriez pu connaître la licence sans y avoir joué. Oui. Et il y a vraiment ce type d'humour-là, c'est-à-dire des personnages qui sont complètement corrompus, mais complètement cons aussi, du c'est... coup, ça donne des trucs complètement improbables. C'est de flics à Miami, quoi. Ouais, et puis ouais, du coup, le fil rouge, en fait, c'est qu'ils sont tellement bons à rien que leur patron, qui lui aussi est... un gros corrompu qui fout la merde quoi, va les mettre sur un gros coup qu'ils seront obligés de réussir en fait, parce que sinon ils vont se faire buter par ce patron. Ils doivent du fric, ouais. Ouais, c'est ça, ils doivent du fric, machin. Et en fait, on va découvrir que le grand méchant qu'ils vont devoir faire tomber, qu'ils vont devoir aller kidnapper, c'est un petit chien. Un petit chien qui a un gros palmarès en fait, parce que c'est un chien, je sais pas comment on appelle ça, un chien renifleur. Policier dans les. Ouais, un renifleur, dans les aéroports, qui a un taux d'efficacité de 100%, quoi, en fait. Et en gros, c'est pour. Eux, ils doivent aller le kidnapper pour pouvoir laisser passer un complice du patron, quoi, à l'aéroport. Ce qui va donner des scènes vachement comiques. Ah bah, et puis leur rêve pour faire fortune, c'est ils sont en contact avec un espèce de producteur hollywoodien qui a un petit côté Weinstein, on va dire, dans son rapport à la sexualité. Et en fait, ils lui rapportent leurs enquêtes, mais en rajoutant des trucs totalement délirants. Ils rajoutent des accidents d'avion, des poursuites en hélico, enfin, c'est n'importe quoi. Michael Bay. Dans l'espoir que le mec va produire un film sur leur vie et donc leur verser des droits sur le scénario. Voilà. Pas mal. C'est pour poser les persos. Bah, de toute façon, globalement, tous les persos, ils ont un pet au casque, quoi. C'est... Ouais. Non, mais eux, c'est du genre, on prend un otage et ils butent l'otage dans la seconde 2 parce qu'ils ont pas su le gérer, quoi. Mmh. C'est les mecs, tu dis, bon, ok, ça va être délicat de s'en sortir. Et finalement, ils décident de tout buter derrière, enfin, de buter le mec. Mmh. Et de péter la baraque parce qu'ils ont pas le choix. Visuellement, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Sympa. Sympa, sympa. Bah, ça se prête bien justement à ce côté totalement loufoque, quoi. C'est une série qu'il faudra que je lise. The ouais, Fix. C'est vraiment très sympa. Est-ce que le premier tome conclut l'arc Non. Non. Non, ça appelle une suite. Ouais, ça appelle une suite et bah, en fait ça ouvre un arc. Voilà, et pour ouais. Moi c'est déjà. Ah oui, carrément. Vu ce qu'ils ont fait, c'est bien parti en couille quand même, oui. Donc du coup. C'est vraiment un tome d'introduction. L'intrigue autour du chien, finalement, elle s'est juste lancée à la fin du tome. Ouais. C'est édité par Image Comics aux US. Et la série est toujours en cours là-bas. On a dit que c'était écrit par Nick Spencer ou pas? Non, tu n'as pas dit les dessinateurs, le dessinateur ni l'auteur. Mais par contre, je tiens à te féliciter car tu as fait un résumé concis. J'ai essayé. Ouais. Et clair. Donc au scénario, on a Nick Spencer, au dessin Steve Lieber et à la couleur Ryan Hill, qui font un merveilleux boulot. Mmh. Donc une grosse recommandation de la part de vous trois. Ouais, moi je recommande chaudement. Ouais. Mmh. Bah, pour le coup, il y a autant de côté délirant que dans Jimmy's Bastards, mais en bien maîtrisé, et avec plus de finesse dans l'humour, plus de subtilité, qui fait que c'est très intéressant à lire et qu'il y a une vraie intrigue. Là, en plus. Bah, c'est beaucoup moins gore déjà, c'est moins... Et puis ça fait moins gratuit en étant Jimmy's Bastards, tu sens que l'intrigue elle est là juste ah oui, non, mais c'est juste parce qu'il en fallait une, mais qui s'en fout. Jimmy's Bastards, c'est la gratuité, c'est la débauche de gratuité comme ça. Tandis que là l'univers est délirant, mais il est cohérent quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nick Spencer il a toujours des idées de ouf quoi. Ouais. Et là récemment on l'a suivi sur Captain America où il avait à mon sens, une super bonne idée pour révolutionner le personnage, et malheureusement, bah, l'éditeur il a pas joué le jeu jusqu'au bout. Donc, le fait de faire passer Captain America du côté de l'Hydra. Voilà, c'est ça. La fin, elle oui, est pas. J'ai son numéro de téléphone maintenant. Ouais, ce qui est con, c'est que la fin, c'est vraiment. Tu sens que la c'est, pression c'est Marvel, des fans, Marvel, machin, ils ont pas joué le jeu quoi. Ils ont fait rétro-pédalage. Donc, voilà. Là, chez Image, à mon avis, il va pouvoir se lâcher et ça va être super. La pression des fans, je veux dire, en s'en passant, c'est comme ça qu'on a donné des trucs genre Rexon, des choses comme ça. Ah ouais, mais là, c'est les fans plus les comic shops, quoi. Et je tiens à signaler à ce propos que dès que nous sortons des œuvres qui disent du bien qu'ils mettent les héros dans notre camp, ces œuvres sont immédiatement censurées. Et je trouve ça anormal. Nous sommes musclés. On s'est battu pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour nos libertés. Et maintenant, ah oui. On n'a même plus le droit d'en profiter. Doucement, doucement. Vous êtes c'est dans la censure. Alors, doucement, prenez un petit morceau de gâteau là. Ça me fait d'autant plus rire qu'il y en a qui ont vraiment sorti ce discours-là sérieusement dernièrement. Oui, en Angleterre, on n'a même plus le droit de faire le salut nazi. On s'est battu pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour cette liberté. Ou pour Far Cry 5. Far Cry 5 où tu butes des suprémacistes blancs. Il y en a qui se sont plaints en disant oh mais là maintenant il y avait eu la même chose nazi, avec des nazis ouais. Oui avec Wolfenstein 2 ouais. Ah bah, genre oui vous vous réjouissez de tuer des nazis mais on est avant tout des hommes mais ta race. Laissez-nous de cet ennemi là bordel, au moins tout le monde est à peu près d'accord. Bah sauf les nazis en l'occurrence, heureusement ils ne sont plus très nombreux, désolé mon cher Hans. C'est mensonger ça. Si vous aviez vu toutes nos cartes d'inscription. Est-ce que tu sais ce qui se cache sur la face cachée de la lune? Ça franchement, j'ai vu le film moi aussi. Alors messieurs, nous allons laisser The Fix derrière nous, que vous nous avez bien vendu, enfin que vous m'avez bien vendu. Ouais. Et j'espère à nos auditeurs également. On le va passer. Le seul petit souci, c'est qu'il y a un chien, mais bon. Non, c'est pas un souci, c'est super. Il s'appelle Bretzel. Un chat renifleur, ça aurait été mieux, je trouve. Mais... bien traduit d'ailleurs, parce qu'en VO il s'appelle Pretzel. Et je trouve que la traduction elle est chouette quoi. Bretzel, c'est sympa. C'est rigolo. Ouais. Passons. Bah c'est la traduction littérale, non? Bon, je sais pas, non, un Bretzel, je pense qu'on. Non, je crois que c'est Pretzel. Ah ouais? C'est traduit ça? Je crois, ouais. Ok. Passons au prochain titre de la sélection. Messieurs, il faut flinguer Ramirez. Écrit, dessiné. Par Donald Trump. Colorisé. Par Nicolas Petrimo. Est-ce que Hans veut nous faire un commentaire de ce titre? Il faut flinguer Ramirez. Je suis tout à fait d'accord. Alors, où l'on suit l'histoire de Jacques Ramirez. Jacouille. D'accord, ça sera coupé. Ça sera coupé. de Jacques Ramirez qui travaille dans une entreprise qui fabrique. Des aspirateurs. Ouais, mais est-ce qu'il fabrique vraiment que des aspirateurs ou c'est de l'électroménager, mais on se focus que sur les aspirateurs? Je crois que c'est les aspirateurs. Bah, lui, il est vraiment présenté comme professionnel des aspirateurs. Ouais, donc, on va dire service. C'est que des aspis, je crois. On est. Enfin, il y a peut-être d'autres. Il y a peut-être des succursales qui fabriquent d'autres trucs. Ça, c'est possible. On est dans les années 80, il me semble. Ah, ça, c'est la mondialisation. Hein. C'est ça. On est dans les années 80 et ce cher Ramirez, il a un signe distinctif, il a une grosse marque de naissance sur la gueule. Et un jour, il y a des mecs de la mafia qui le croisent et qui se disent « mais ça me dit quelque chose ça ». Et ils se rendent compte qu'il y avait un mec qui s'appelait Ramirez qui a buté certains mecs de la mafia avant et ils pensent que c'est lui. Au début, il pense que c'est Ramzy et après, il pense que il est con. Et il est muet aussi. Il est muet. Un autre signe distinctif, mais c'est pas vraiment un signe distinctif tant que tu lui parles pas. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vraiment, vraiment, c'est le Ramirez. Enfin voilà, c'était un tueur muet super efficace. Et ça coïncide avec lui. Ça coïncide parfaitement avec lui, qui est un réparateur d'aspirateurs muet super efficace. Donc, eux pensent que c'est lui. Quand je dis eux, c'est parce que nous, lecteurs, pendant tout le bouquin, on se pose la question. Il y a quand même des doutes qui sont amenés. Bah pendant tout le bouquin, on a l'impression qu'il sait pas, qu'il a pas du tout conscience de ce qui se passe autour de lui. Oui, en fait. Non, mais moi je te parle de son identité. Nous, on sait même pas si lui, c'est vraiment un ancien tueur de la mafia. Ouais. C'est ça. Le doute, je trouve que le doute est quand même présent, je trouve. Non, t'as pas l'air d'accord avec ça. Bah non, parce que par exemple la scène de la voiture où il rencontre la fille là, bah tu captes déjà qu'il a des réflexes peu ordinaires, quoi. Ouais, mais c'est aux deux tiers du tome, quoi. Et puis tu peux très bien avoir des bons réflexes sans être un tueur de la mafia. Je vois pas où est le problème. Ouais, ok. Non, mais ok. Je pense que le titre, il était assez évocateur, quoi. Enfin... Ah, moi je trouve pas, justement. Je trouve que même encore à la fin, tu peux avoir des doutes. D'accord. Sur est-ce que c'en est un, est-ce que c'en est pas un. Il me fait un peu penser à l'acteur de Borat. Sacha Baron Cohen. Voilà. Je pense, messieurs, qu'on sera tous les trois d'accord pour dire que c'est putain de beau. Ouais. C'est putain de beau, c'est putain de bien écrit. C'est putain de bien colorisé. C'est génial. Alors voilà, big up à celui qui a fait la colorisation. Bah, il est là. Voilà. Je l'ai dit, c'est lui qui a tout fait. Bah, magnifique. Parce qu'en plus, il a dû en chier parce que. C'est même lui qui a traqué le papier. Il est con. C'est lui qui a façonné chaque jaquette. Bah, en fait, c'est lui qui dirige Glénat. Non, c'est pas vrai. Olivier Jalabert, tu les écoutes, bonjour. En fait, c'est celui qui fait le ménage chez Glénat normalement. Et là, il s'est dit, je veux faire un truc. Il voulait parler de sa passion. Je vais faire un truc sur un mec qui maîtrise très bien l'aspirateur. Mais oui, effectivement, c'est quand tu dis bien écrit, mais les dialogues sont aux petits oignons. Ouais. Mm-hmm. Les dialogues, ils sont vifs. Les scènes d'action, elles sont vives aussi. C'est vraiment, comme on disait en off, c'est du pur Tarantino dans l'esprit. Ça va, mais à 100 à l'heure. Il y a aussi pas mal de fausses pubs ou de faux extraits de journaux qui sont super drôles à chaque fois. Voilà, c'est... Ça, c'est Aspirateur 2000, ça. C'est ça, à un moment, les extraits de journaux, il y a un petit article, c'est « Il y avait un espace libre ici, il fallait que j'écrive un truc, je ne savais pas quoi mettre. » Enfin, c'est génial. Putain, cette page-là, elle est... Grosse page d'explosion. Ouais. Ah, mais au niveau de la mise en page, il y a plein de trucs assez dingues aussi. Hein. Ouais. Il y a eu un vrai travail, on sent qu'il a super soigné son truc. Ouais, tous les persos, ils ont tous une bonne identité, ils sont pas faux, ils sont vraiment bien faits, quoi. Voilà, c'est de la balle. C'est, bah, pour le coup, oui, encore une fois, la comparaison avec Tarantino marche, parce que c'est des persos très excessifs, mais ça reste cohérent, qui sonnent bien. C'est, pour moi, c'est un peu Pulp Fiction, mais en mieux fait. C'est ce que tu me disais en off. Pulp Fiction, c'est quand même pas top. Donc, en tout cas, Ramirez, il y a des moments où, effectivement, il a l'air de faire une tête genre, mais what the fuck. Ah, mais Ramirez, pendant tout le tome, t'as l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque. Lui, il est avec son délire d'aspirateur, il doit faire l'aspirateur du siècle. C'est ça. Et il y a des tueurs tout autour de lui. Il comprend pas. Surtout qu'il y a sa boîte qui explose, enfin, c'est le chaos. Surtout que tout ça, il s'en rend compte à la fin du bouquin, quoi. À la fin du premier tome. Parce que c'est un premier tome, hein, ça se termine vraiment sur un à suivre. Vous avez pas une histoire complète avec ce premier tome. Bah, c'est surtout que le début est un flash forward en fait. Oui. T'as une scène et à la fin du premier tome, t'es pas encore réarrivé à cette scène. Donc, clairement, la suite est indispensable. Et on sait pas en combien de tomes ça sera. Ce qui est rigolo, c'est que t'as l'impression que même s'il y avait pas eu les tueurs, ça aurait pu être le chaos. Parce que même sans les tueurs, c'est le bordel. C'est le bordel dans sa boîte d'aspirateur. Il y a les deux nanas. Les deux nanas, actrices, braqueuses de banque, c'est le bordel de leur côté. Donc même s'il n'y avait pas eu les tueurs, ce serait déjà le chaos. Oui, là c'est juste encore pire. Là c'est le chaos parce que tout ce bordel se réunit, se réunit au final, quoi. Ouais, moi ça fait partie de mes grosses lectures du mois. Avec le dialogue que tu m'avais mentionné. Bah, c'est... Ah, tu veux que je le lise, ce dialogue, c'est ça, hein? Tu veux que je lise ce dialogue? Ah, vas-y. Ce dialogue plein de sous-entendus sexuels, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la grosse recommandation du mois. En comics? Bah, en comics, même tout confondu, je pense. Bah, non, quoique ça se discute avec certaines. Ouais, il y en a qui. Bah, déjà, pour moi, clairement, égalité avec celui-là. Ouais, clairement. Alors, le dialogue. Qui s'en approche beaucoup. Alors, le dialogue que Issam et moi, on a beaucoup apprécié. Un dialogue rempli de sous-entendus où donc Ramirez se faufile dans la bagnole avec les deux nanas. Ah oui. Avec son aspirateur. Pour le coup, je suis d'accord avec eux, on aurait pu s'en passer de votre gros engin. On est déjà bien serré en plus. Maniez-vous de passer à l'arrière et fermez-moi cette foutue portière. Voilà. Un dialogue digne de Tarantino avec plein de double sens, ça fait plaisir. Et j'aime beaucoup le mot de l'auteur au début. Et pardon d'avance à ma maman pour tous les gros mots que j'ai été amené à écrire afin de raconter cette histoire. Voilà, c'est très drôle. Voilà, Nicolas Pétrimo, j'attends avec impatience le tome 2 de Il faut flinguer Ramirez. Je ne peux que le recommander. Un nouveau gage de qualité, que c'est du comics français, monsieur. C'est de la production nationale. Nationale. Mais en comics, on commence à y avoir des noms vraiment sympas. Et surtout, on peut se réjouir parce que le bouquin, se vend très bien vu qu'il est déjà en cours de réimpression. Ouais, non, mais c'est bien, il a dû gagner au moins 500 euros avec ce bouquin-là. L'édition est vraiment belle. Ouais, l'édition est magnifique. Mais du coup, c'est une publication en même temps que en VO, ou c'est après? Bah non, c'est français. Bah, pro Image, derrière, enfin... IDW, parce que je pense qu'IDW a aussi les droits aux US. Et je pense que ça sort chez nous avant. Ok. Non, c'est pour ça que je... Parce qu'il y a le logo d'IDW, mais aussi le logo original. D'ailleurs, très très belle édition. Hein. Enfin, ils ont fait du bon boulot sur la couverture. Est-ce que ça fait comme pour le titre de... Je sais plus comment il s'appelle. Là. Tu sais que ça a fait une publication parallèle, VO et VF. Ah, le truc de Hickman. Ouais. Ouais, non, ça, je pense que ça sort chez nous d'abord. Et après, d'accord, ok. Je pense que ça sort directement relié chez eux aussi. Mais ça fait affiche de cinéma, la couverture. Mmh. Il faut flinguer Ramirez. Bah, il y a un côté très cinématographique hein, tout carrément. Le temps, hein, de toute façon. Oui. Hein, c'est dans la mise en page, très inspiré de plein de codes du cinéma d'action des années 90. Notamment, j'ai vu à un moment le saut de l'ange avec la voiture, avec tout le décor du bas qui est en hors-champ. Mmh. Du coup, tu ne sais pas du tout quelle est la profondeur, s'il y a quelque chose devant ou pas. T'as juste, hop, voiture volante. J'aime bien aussi ce genre de passage dans une fausse pub de bagnole. Ainsi, nos spécialistes ont réussi à relever le défi d'installer un émetteur à neutrons alpha dans une courroie de distribution à rotation triphasée. Pour vous, cela ne veut pas forcément dire grand-chose, ni pour moi qui rédige ce texte pour cette satanée agence de publicité mensongère, mais pour les commerciaux de chez Stormbird, c'est un argument marketing tellement compliqué qu'il vous paraîtra suffisamment crédible pour vous faire acheter cette voiture sans poser la moindre question. En réalité, cette petite bagnole bourre pas mal, mais ne vous attendez pas non plus à gagner des grands prix de Formule 1. Voilà les fausses pubs, c'est l'auteur qui s'est lâché, quoi. Mm. Non, c'est génial, et ouais, ça mérite de bien se vendre, parce qu'il a dû accomplir un travail assez dingue pour ouais, faire ça. Clairement. Une lecture que je ne peux que recommander à 100%, tout comme Alex et Issam, si j'ai bien compris. Ouais. Oui. Messieurs, nous allons passer à un titre que nous avons tous lu autour de la table cette fois-ci. Alors, non, finalement, on va pas y passer, apparemment. Juste un truc, on est d'accord qu'en plus, la voiture dont il parle, c'est limite une Fiat Panda. Hein. C'est, ah oui, c'est, oui, c'est voilà, la voiture de toutes les pubs, c'est ça à chaque fois. C'est t'as, ça, t'as un quoi. Objet dégueulasse, genre un vieil aspirateur pourri ou une voiture de merde, et t'as tout c'est ça. Entre la R5 et la Fiat Panda, c'est horrible. C'est extraordinaire. Ok, non, mais c'est juste ça. C'est, j'avais pas c'était vu. Bien la peine. Donc, c'est ouais, grosse recommandation. Il faut flinguer Ramirez. Pose-le sur la table. Il était en présentoir là-bas. Puis pour l'édition que c'est, en plus, c'est enfin, c'est pas cher quoi. Ouais, il a 19,90. Franchement, c'est pas cher. Ouais. Je crois qu'il y a 180 pages. C'est très très bien. Bon, passons maintenant à un titre de Doki Doki qu'on a tous lu autour de la table. Talentless. Comme toi. Quoi? Comme toi. De quoi, on l'a tous lu? Moi, non, j'ai dit Talentless comme toi. Ouais, c'est ça, salaud. C'est écrit par Furuya Lori. Yori. Yori ou Lori? Lori. Je dirais Yori, moi. Là, je pourrais rester Yori, toute seule. Furuya oui, regarde, Yori. Elle majuscule, il est comme ça. Ah oui. Et. Ah non, merde, c'est dessiné par Furuya Lori et scénarisé par Loose Boy. Comme vous voyez, on est des professionnels. C'est ça. Oui. Le professionnel avant tout. Numéro 1 sur le manga. On n'écorche pas les noms, on se trompe pas entre la personne qui fait le dessin et le texte. Pourquoi c'est moi qui me retrouve avec ça entre les mains? Parce que t'as bien aimé. D'accord. Mais lui aussi. Enfin bref. Ok. Alors, dis-moi. Talentless, ça se passe sur une île totalement isolée. Dans laquelle il y a une école pour les prodiges, c'est des jeunes gens doués de super pouvoirs, donc chacun, c'est un peu les X-Men, quoi. Chacun a son super pouvoir propre. Et un jour, une nouvelle élève arrive qui apparemment a le pouvoir de lire dans les pensées, et donc on suit un personnage dont le pouvoir c'est quoi, dont on ne connaît pas le pouvoir. Oui, on ne connaît pas son pouvoir. C'est, on suit un héros dont on ne connaît pas le pouvoir. Qui va se rapprocher de cette nana qui est la seule en fait à être gentille avec lui parce que sinon tous les autres le persécutent justement parce qu'il a pas de pouvoir. Donc Talentless, moi j'ai trouvé ça sympa. Au début j'ai eu un peu peur parce que les 10 premières pages c'est littéralement My Hero Academia. C'est un mec qui a pas de pouvoir et son plus grand adversaire c'est un mec dont le pouvoir c'est de manipuler le feu et qui est super égocentrique. Ouais, mais c'est quand même vraiment un sous My Hero Academia. Ouais, ben le début, justement, c'est ça le souci, c'est que ça fait très... Ouais. Mais ça dure 10 pages, quoi, c'est... et après ça trouve sa propre voie. Ils en font un clin d'œil à My Hero Academia dedans. Hein. Ouais. Où ils sont en train de lire un comics en disant « Ah, t'imagines, si tout le monde avait des super-pouvoirs comme ça dans les écoles, ça, ce serait les vrais super-héros !» Et c'est tout. Mais au final, non, ça trouve sa propre voie, alors graphiquement, c'est pas dingue. C'est, je sais pas, moi j'ai passé un moment à le lire, en tout cas. Ouais, moi aussi, ça m'a pas déplu. Bah, pareil. C'est une lecture assez fluide. Bon, après, c'est... Ça m'a donné envie de lire la suite. Déjà, c'est... je pense que c'est important pour une œuvre comme ça de donner envie de lire la suite. Non, mais voilà, c'est sympa. C'est un ton un peu thriller, fantastique, qui fonctionne bien. C'est pas le manga du siècle, mais si vous voulez ce genre de truc, moi, j'ai plutôt tendance à recommander. Moi, c'est vrai que j'irais plus voir la suite pour... voir dans quelle direction ça se dirige, mais pas par rapport justement au twist de fin qui est un peu osef quand même. Bah, je pense qu'il y a des fausses pistes. Je pense qu'il y a des fausses pistes, même au niveau de la fin du premier tome, je pense qu'il y a des trucs qui vont être contrebalancés. Non, mais même sans parler de ça, le twist de fin, il n'a aucun impact, je trouve. C'est quoi déjà le twist de fin? Bah, tu découvres le pouvoir d'un des personnages que tu suis au cours du manga. Ah, lol, j'ai pas fini. Et tellement ça m'a passionné. Sinon, par contre, il y a des idées très intéressantes. Hein, genre, par exemple, ouais, à un moment, il y a. Les drags, c'est pas mauvais non plus. Il y a des suppressions. C'est juste que ça m'a pas passionné, quoi. Ouais. Y a moi, j'ai trouvé ça osef du début à la fin. Il y a des suppressions qui sont intéressantes. Mmh. Bah, pour moi, en fait, c'est. Voilà, on a fait une partie no spoil et je pense qu'on va devoir passer. Parce qu'il y a un spoil. Enfin, un retournement de situation assez majeur à la fin du premier chapitre. Donc si vous voulez pas qu'on vous gâche la suite, arrêtez-vous là et sautez directement au prochain truc, au prochain manga dont on va parler. Parce que là, je pense qu'il faut dévoiler ce spoil de fin de premier chapitre pour vraiment donner notre avis dessus. Mais c'est dit, hein. Odo. Lisez pas non plus la quatrième de couverture. Est-ce que tout le monde lit la putain de quatrième de couverture? Moi, jamais. Jamais non plus. Enfin, pause. Ça dit pas qu'elle passe à l'acte, mais ça dit qu'elle doit buter les gens, quoi. C'est dit Yodo, quoi. Ouais. Ouais, voilà, le spoil, c'est ça. En fait, la nana qui arrive, son but, c'est de tuer ceux qui ont des super-pouvoirs sur l'île, parce qu'en fait, c'est pas des super-héros qui vont protéger le monde. Au contraire, ils représentent un danger pour le monde si leur pouvoir se déclenche. Et celui qu'on prenait pour le héros, donc celui dont on croit qu'il a pas de pouvoir, en fait, dès la fin du premier chapitre, il se fait tuer, et après, ça devient la nana, l'héroïne du livre. Et je suis désolé, je fais un jeu de mots pourri depuis tout à l'heure sans le vouloir, parce qu'elle s'appelle Nana en réalité. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'elle a un truc, elle a des informations en temps réel, c'est qu'à chaque fois qu'elle supprime quelqu'un, elle a un pourcentage personnes sauvées. Mmh. C'est, voilà, et c'est, ah, ok, j'en suis à tel pourcentage en le supprimant lui. Bon. C'était pas genre une espèce d'une prédiction? Oui, c'est pas loin de ça. C'est... Enfin, les sous de la réaction changent. L'estimation change selon le nombre de qui elle supprime et quelle est l'importance de son pouvoir en quelque sorte. Et voilà, c'est telle personne qui a tant d'impact, ça va faire 20% d'un coup, par exemple. Tu dis, ah ouais, ça va, c'est une grosse prise. Voilà, en fait, l'intrigue, ça devient très vite. Comment elle va faire pour supprimer chacun de ces gens qui ont des pouvoirs, alors qu'elle n'a en réalité aucun pouvoir. Elle ne lit pas les pensées, c'est juste qu'elle est très douée pour faire des déductions. Elle est très intelligente. Bah elle est un peu, ça, je sais pas si c'est une organisation gouvernementale, mais en gros elle est liée à une organisation un peu secrète, quoi, qui lui file des informations tant qu'ils peuvent. Oui, voilà. Mais sinon, oui, il y a des... Ouais, j'ai trouvé ça sympa quand même. Oui, moi aussi j'ai passé ça un bon moment. Ça se lisait bien. Toi, tu... Bah voilà, il y a Chris, toi t'as bloqué dessus, c'est ça? Moi je l'ai pas fini. Voilà. Parce que ça m'a pas pris, quoi. J'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire, je trouve le dessin basique. Voilà. Oh bah le dessin est basique, oui. Il ah oui, le dessin c'est basique. Mais je veux dire, c'est l'accumulation de tout ça, quoi. Au bout d'un moment, bah. J'ai d'autres choses à lire, quoi. C'est Doki Doki dont tu me disais que pour toi ils étaient pires que les nazis. Non. Aussi. Non, c'est Ototo. Ah. C'est Ototo. Désolé, Hans, hein, mais. C'est après Ototo. Je suis toujours flatté d'être pris comme point de comparaison. Non mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à lire. Moi, j'irai pas jusqu'à recommander à chaudement, mais si vous voulez le lire, allez-y, hein, ça sera un bon moment. C'est pas honteux, voilà. Ouais, non, c'est pas honteux. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ah oui, mais après, je ne dérecommande pas. Hein. Voilà. On veut dire du super-héros, par contre, si, je dirais My Hero, quoi. Mais après, c'est dans un autre genre, quoi. Mais voilà, là, c'est pas le super-héros bah, qui oui, est important. Finalement, c'est pas du super-héros, ça. Non, mais enfin, du super-pouvoir, je veux dire. Ouais. C'est pas du super-héros, tu sens que ça veut quand même surfer sur la vague. Oui, mais bon. Enfin, ça prend le truc à l'envers, quand même. Moi, ça m'a plutôt fait penser à... Le truc avec Keroro, là. C'est comment, déjà? Assassination Classroom, un peu. Ah. Dans le genre, île isolée, t'entraînes des gosses. Sauf que là, c'est les élèves qui ont les super-pouvoirs et que c'est une des élèves qui doit buter les autres. Ouais. Ça m'a fait plus penser à ça que My Hero, quand même. On a terminé avec Talentless. Ouais. Eh bien, Alex et Issam, vous allez nous parler d'un titre de Ototo. Alors, Alex, Made in Abyss, édité par Ototo, écrit et dessiné par... À chaque fois, faut que je le rappelle. Akihito Tsukuchi. J'ai mis l'accent. On est fiers de toi. Alors, déjà, on peut parler de l'édition qui est très belle. On est sur du grand format avec une belle carte. Alors, pour les premières impressions, seulement la carte. Maintenant, elle n'est plus disponible. Ah. C'est vrai ? Oui, c'est juste pour les premières impressions. Oh, donc la carte est collector, voilà, donc voilà. Oh la baiserie. Bon voilà, donc on a une très belle édition. Et au niveau de l'histoire, on est sur une histoire plutôt d'explorateur en fait, puisque tu me coupes hein, si je me trompe. Du jour au lendemain, en fait... Je ne peux pas te laisser dire ça, Alex. Je ne peux pas. Alors, moi, je ne l'ai pas lu, mais je suis d'accord avec lui. Hein. Ok. Merci, ça fait plaisir. En fait, moi, je pense que vous êtes tous des connards. Ouais. Du jour au lendemain, sur... Sauf Hans. Merci. Du jour au lendemain, sur la Terre, il y a une espèce de gros cratère qui s'est formé. Enfin, c'est même plus un cratère, en fait. C'est vraiment une abysse, quoi. Une abîme, ouais. Une abysse. Une grosse faille en fait. Et les gens se sont mis à aller explorer ce qu'il y avait dedans. Ce qui a donné en fait naissance à beaucoup de villages, d'infrastructures, etc. qui se sont installés autour. Et donc là, l'histoire de Made in Abyss, ça va être de suivre des enfants qui sont formés à devenir de futurs explorateurs, des bons, des très bons, des excellents. Parce qu'il y a un système de ranking, etc. Et notamment une jeune fille sur qui on va se concentrer, qui va tomber un jour sur un être mécanique, un cyborg, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, plus ou moins. Ouais. Qui se trouvait à un certain niveau de l'abîme. Et ça va la pousser en fait à en faire plus, à descendre encore plus profondément dans l'abîme pour aller chercher ce qui se passe, etc. Bah, elle veut retrouver sa mère aussi. Oui, elle, parce que justement... Sa mère était une des meilleures exploratrices de l'époque, mais elle a disparu dans l'abysse. Voilà. Et notamment, dans le manga, à un moment, elle va retrouver une lettre de sa mère qui va... comment dire ? Il va soulever une piste par rapport à ce cyborg qu'elle a trouvé. Il y a un espèce de lien qui se crée justement entre sa mère disparue, supposée morte, et ce cyborg. Alors, sachant qu'un truc qui me paraît important par rapport au danger de l'abysse, outre qu'il y a des créatures, que c'est dur à explorer et tout ça, en fait, plus on va profondément dans l'abysse, plus c'est difficile de remonter. C'est, si on va à quelques dizaines, centaines de mètres, ça va juste être des légères nausées. Si on monte plus, ça peut être des évanouissements ou des vomissements forts. Et en fait, arriver à un certain stade en bas de l'abysse, techniquement, on ne peut pas remonter sans mourir. Ça sert à rien de remonter, ouais. Mais par contre, on trouve des trucs de plus en plus précieux au fur et à mesure qu'on va en profondeur. C'est comme les profondeurs aquatiques, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas moyen, comme dans les profondeurs aquatiques, il y a moyen de décompresser. Oui. Bon, tandis que là, il n'y a pas moyen. C'est une malédiction de l'abysse qui est automatique. D'où en fait le système de ranking, justement, où plus tu es expérimenté et plus tu es haut gradé, oui, et plus tu as le droit de descendre profondément. Ça dépend pas d'un quelconque équipement. Non, contrairement justement au fond marin, là le souci, c'est pas la décompression, c'est la compression. C'est ce qui fait qu'à partir d'un moment, ça pète. Quoi. Et au bout d'un moment, par contre, tu peux plus. Les fonds marins, au bout d'un moment, c'est mort. Enfin, en tout cas, on peut supposer qu'au bout d'un moment, ils vont finir par... Ça peut que ça va être un des thèmes de comment survivre à l'abysse, mais pour le moment, ils n'ont rien. Oui. Mais c'est vrai que tout toutes les explications autour de l'abysse, de comment descendre, les strates, etc., il y a beaucoup... C'est très riche là-dessus, quoi, je trouve. Il y a une réelle explication là-dessus, et c'est vachement chouette, déjà. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à une théorie qui est très à la mode en ce moment, parce que vous savez qu'on a les théories déjà de la Terre plate et tout ça, mais aussi la Terre avec des couches les unes sur les autres. La Terre creuse. La Terre creuse, mais il y a plusieurs. Voilà, c'est la Terre creuse, mais il y a une Terre dans une Terre, dans une Terre, dans une Terre, dans une Terre. En gros, c'est ça l'idée. C'est. Juché sur quatre éléphants. Eux-mêmes juchés sur une tortue. Intergalactique. Alors, ça, c'est les platistes qui, eux, par contre, mettent carrément un dôme sur la Terre. Il y a un dôme de verre. C'est magnifique, visuellement. Je dirais pas magnifique, mais oui, c'est très beau. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Moi, je dirais beau. Ce qui m'a posé souci, c'est la mise en page, quand même, parce que parfois, tu sais pas dans quel sens tu dois lire les cases. Moi, mon souci, c'est un peu alambiqué, mais... Ça m'est arrivé quelques fois, oui. Mais c'est intéressant, justement, au moins, ça tente des trucs, niveau mise en page. Ouais. Moi, mon souci, sans l'avoir lu, c'est le chara-design. Ouais, c'est spécial. Des grosses têtes, gros yeux, petit corps. Oui, il y a un côté un peu cartoon. Ça me rebute un peu. Moi, j'aime bien. Bah, je trouve ça original, donc ça me plaît aussi. Mais... Bah, c'est un design un petit peu à la chibi, quoi. C'est super déformé, un petit peu. Et c'est pas un design que j'affectionne, mais du coup, c'est vraiment personnel, quoi. Après, mon seul souci, c'est que j'ai pas eu d'affection pour un personnage en particulier. Donc ça m'a pas... Ah si, moi, la gamine et le cyborg, là, je les trouve assez attachants. Oui, la gamine, parce qu'elle se fait... Elle subit du bondage, c'est pour ça que tout de suite... Ça, par contre, j'ai pas compris pourquoi. Tout de suite. C'est pour ça que ça t'a attiré. Hein. J'ai pas compris pourquoi il y a ce passage de bondage... Enfin, bon. Des médisances. Il y en aura peut-être plus dans les autres tomes. La série compte 6 tomes pour l'instant au Japon, avec un tome en moyenne par an. Autant dire que... Puis de ce que j'ai compris, ça cartonne bien, quoi. Va pas falloir être pressé, quand on aura rattrapé. Parce que Ototo, par contre, a bien l'air décidé à les sortir assez vite, vu que le tome 2 sort la semaine prochaine. Mmh. Alors on enregistre ça, donc c'est-à-dire première semaine de juillet. Alors vous l'aurez. C'est pour ça que je précise première semaine de juillet. Bah 3 semaines, ça va dépendre comment tu montes le podcast vite ou pas, monsieur Wissam. Non, c'est moi, je visuellement, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Mais c'est marrant. C'est un style vraiment très crayon de papier, vraiment crayonné. Oui, bah, c'est un style que j'aime souvent bien, en fait. Et c'est marrant de t'accrocher au personnage de la petite fille, elle est quand même égocentrique, quoi. Elle fait pas le jazz. Est-ce qu'elle a un chien? Non plus. Parce que bon, elle envoie quand même péter à peu près toutes les règles qui sont instaurées. Ouais, elle décide d'aller descendre dans l'abysse toute seule. Ouais, enfin... mais son objectif, c'est de retrouver sa mère. Quoi. Ça me paraît un peu plus louable que de réussir à souffler dans une trompette. Alors, c'est un saxo. C'est un saxo, pas une trompette. Ne confonds pas, c'est pas du tout le même instrument. Là, bientôt, il va dire du tuba. Ah, c'est tous les deux des cuivres, mais ça fait pas du tout le même son. Je fais du jazz avec du tuba. Ah là là là. On peut signaler, parce que tu as signalé que l'édition est jolie, on peut signaler qu'elle est pas chère aussi. Oui, pour ce ouais, à 9 euros. Mmh. C'est-à-dire que pour le même prix, tu as des mangas Panini, quoi. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup plus dégueu. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de la série sur Wakanim. En payant. En payant. Contrairement à Crunchyroll. Ça n'a pas l'air très moche. Donc. Non, apparemment, l'animé est très joli. Oui, ça a l'air joli. Attends, je jette un œil, ouais. Ah, ça se trouve, plus tard, ce sera aussi sur YouTube, hein, en payant. Toi, tu vas regarder Wakanim, j'y crois pas du tout. Non, pas Wakanim, je vais trouver un truc. Ouais, voilà, ouais, parce que c'est comme Netflix, quoi, donc forcément... Alors, pour les sorties, je crois que Wakanim, t'as quelques jours où c'est gratuit. Oui, mais ça fait longtemps que c'est sorti, donc c'est mort maintenant. Mais voilà. Mais pour ceux qui, voilà, pour ceux qui veulent voir, qui des fois regardent les séries une fois par semaine, la nouvelle sortie... C'est plus ADN qui fait ça. ADN ouais. Parce que je sais que Wakanim, il faisait ça, à un moment. Ah, il y a pas qu'il le faisait, Wakanim. Qu'on a sûrement. Comment Wakanim, à une époque, ils le faisaient ça. Ah ouais? Ouais. Mais Aden, la première semaine gratuite et après. Aden, ils le font beaucoup, ça, genre tous les My Hero, etc. Et Crunchyroll, c'est si t'as un compte, tu peux le voir direct. Ouais. Si t'as pas de compte, tu dois attendre une semaine d'écart avec ceux qui ont un compte et après tu peux le voir gratuitement. Avec des pubs ou un série. Les pubs toutes les 15 secondes. Pas toutes les 15 secondes. Non, mais j'exagère. Il y en a vraiment au taquet quand même. Non, pas sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll, t'as une pub au milieu de l'épisode et en général, c'est une pub pour Médecins Sans Frontières ou un truc comme ça. C'est toujours une pub pour une association. Ah, ça c'est cool. Ça, non, c'est cool. Sur téléphone, c'est pas des pubs pour Puma, quoi. Le truc qui donne déjà moins envie d'utiliser Adblock. Voilà. Je crois que c'est sur téléphone l'application Crunchyroll. Là, il y en a au taquet. Hmm. Petite digression. C'était la petite digression plateforme légale de diffusion d'animé. Hmm. Est-ce que vous avez terminé avec Made in Abyss, messieurs? Ouais, moi je recommande visuellement, au niveau de l'histoire, au niveau de l'univers, vraiment. C'est vraiment très chouette et assez inhabituel. Moi, juste par curiosité, ouais, je le recommande aussi, ça vaut le coup. Après, on peut accrocher ou pas, mais ça mérite le coup d'œil. Eh ben, très bien. Messieurs, vous allez garder la parole pour parler d'un autre titre que vous êtes les deux seuls à avoir lu. Jabberwocky. Non, édité par Glénat. Jabberwocky. Non, Glénat Comics. Jabberwocky. Alors, non. Cannibal. Cannibal Jabberwocky. Mon Dieu. Scénarisé et dessiné par Au scénar, c'est Buccellato. Dessin, on a Mathias Bergara. Et au scénar, ouais, il y a Buccellato. Bergara, c'est dur à dire. Et au scénar, on a Buccellato et Young. Young. Et à la couleur, on a aussi Buccellato. Au niveau de l'histoire, on est dans une petite bourgade en Floride, où il va se dérouler des événements assez troublants parce que il y a une épidémie en fait de cannibalisme qui frappe cette région. C'est vrai que c'est troublant, quoi. Effectivement, ouais. C'est très très troublant. Effectivement, c'est peu commun. Notamment la police locale qui se charge de chercher tous les individus qui sont frappés par cette épidémie pour les mettre à l'écart, quoi, tout simplement. Mettre en quarantaine. Limite les buter un peu à vue. Et donc on va suivre l'un des personnages qui est contaminé par cette épidémie et qui va essayer de s'en sortir un peu, sauf que il est dans un énorme bordel sans nom de circonstances non voulues, quoi, en fait. pas vraiment trop comment le résumer, parce que sur le fond de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu fouillis. Après, Issam, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je suis assez d'accord, surtout que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Ouais, moi aussi. C'était un peu osef, les détails de l'histoire, je m'en souviens pas. Il y a une histoire de frère qui aurait buté sa femme, mais en fait, c'est peut-être pas, c'est pas vrai. T'as pas mal de sous-intrigues, en fait. C'est ça. Mais il y en a aucune qui est vraiment fascinante. C'est triste. Après, oui. C'est pas mal, hein. Honnêtement, ça se lit. Je me suis pas ennuyé en le lisant. C'est juste que voilà, j'en ai rien retenu, j'en ai rien retiré. Bah, moi, je me suis un peu ennuyé en le lisant. C'est plus graphiquement que ça m'a bien marqué, parce que c'est vachement beau. Ouais. Ça retranscrit bien cette ambiance de la Floride, un peu transpirante, un peu pesante, avec les marées, etc. On s'y retrouve bien. Après, au niveau d'histoire, voilà, ça m'a pas... Effectivement, visuellement, c'est plutôt joli, il y a une mise en page intéressante. On verra bien où ça ira, mais ça va peut-être monter en intensité par la suite, mais pour l'instant, ça reste très pépère, en fait. Alors qu'il y a cette épidémie de cannibalisme, je trouve qu'il n'y a pas de tension réelle. Ouais. Et... Bah en fait ça paraît tellement inscrit dans les mœurs, dans la vie quotidienne, que ça devient banal. Le cannibalisme. Ben ouais. Enfin, en fait ils sont pas étonnés quoi. Ah, ils tombent sur un cadavre et ils disent ah c'est bon, c'est un mec qui est cannibale quoi, mais. Lol. Le mec qui veut partir à la chasse, etc. Bon bah ok. Effectivement ça peut poser problème. Il y a un petit twist de fin avec le policier, je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Qui relance un peu l'intrigue, mais... Ouais, voilà, mais c'est pas... C'est pas foufou. C'est pas grand-chose non plus, quoi. C'est vrai que visuellement, oui, c'est plutôt joli. Après, oui, effectivement, s'il y a que ça... C'est pas mal. J'ai l'impression que vous avez pas grand-chose à dire sur Cannibal, messieurs. Bah, non. Malheureusement, non, j'ai pas grand-chose à dire. Non, il y a pas grand-chose à en dire. Vous ne me faites pas regretter de ne pas l'avoir lu. Après, ça vaut peut-être le coup si on en lit peut-être deux tomes en même temps, mais là, le... Peut-être, ouais. Le premier tome... Peut-être que le deuxième tome va relancer plus de trucs. Bon, sa seule substance, là, il est pas très engageant, quoi. On conseillera plutôt... 15 euros ? Ouais. 16. Un peu cher, hein. Il n'y a que 4 chapitres, dans mon souvenir. On conseillera plutôt Redneck, édité par Delcourt. Oh ouais, mais on essaie autre chose, quand même. Ouais, mais au niveau de l'ambiance, il y a aussi le côté Amérique profonde. Voilà. C'est vrai, ça. Avec un truc... La seule différence, c'est que c'est des vampires, quoi, et pas des cannibales. Mais après, c'est Donny Cage, donc... Ah, puis après, des vampires, cannibales, bon... Oui. C'est quand même assez similaire, quoi. Ouais. Quand même. Donc si, on peut conseiller Redneck, plutôt. Ouais, c'est vrai, ouais. Si tu veux. Le mec, déjà ça me dérange pas, hein. Moi, Redneck, je le conseille tout le temps, donc... ça me dérange pas. Parce que tu m'avais regardé d'un air, genre... C'est pas comme si j'avais dit « on peut remplacer ça par les Tortues Ninja !» Tu vois, non, là. Ça va, Redneck, ça reste quand même dans la même thématique. C'est cannibale, hein, quelque part. J'ai eu une... Bah, quoi? Non, je sais pas, j'invente. Bon... Laissons Cannibal derrière nous et attaquons-nous à Whispering. Ah bon? Oui, pourquoi? Non, je pensais qu'on finirait sur Whispering. Non, on termine sur Aiky Giant. Ouais, d'accord. Un titre que nous avons tous lu autour de la table, Whispering, édité par Akata, et on écoute pour l'auteur. Dr. Yoko. Ça va le faire en ASMR. Whispering. Donc, Yoko Fujitani. Yoko Fujitani. C'est l'histoire d'un homme qui, quand il était plus jeune, entendait, ressentait les pensées de ce qui l'entourait, à tel point que c'est devenu plutôt handicapant par rapport à son entourage. Et c'est une malédiction en quelque sorte qu'il a vécu jusqu'à son adolescence où ça a commencé à s'estomper et puis d'un seul coup plus rien. Donc il réussit à se réintégrer à peu près correctement jusqu'à ce... et il tombe d'un seul coup sur un gamin qui a ce pouvoir-là, mais encore plus poussé. C'est-à-dire que le gamin, à un moment, on le voit au milieu d'animaux, donc il y a, je sais plus, il y a un chien, un chat, un oiseau posé sur sa tête, tout va bien. Et lui, il peut vraiment... Lui, il a vraiment, en quelque sorte... il comprend vraiment ce que les animaux lui disent. Mais il dialogue avec, quoi. Et tout. Et il fait vraiment des dialogues avec. Et du coup, le héros va se prendre d'affection pour ce gamin-là et essayer, justement, de le guider, parce qu'il a traversé ça. Et j'ai trouvé l'histoire assez sympa, bien amenée. Il y a de quoi devenir vegan, déjà, avec ça. Ah oui, là, t'entends tout ce qui est... Alors, même pas, parce que même les plantes... Alors là, ah oui, c'est vrai. Alors, là il entend absolument tout. Et même les objets, donc... Même les murs, là, rien, un canapé... T'es dans la merde. Oui, parce qu'il y a un moment où il y a cette scène où il y a des personnages qui s'échangent une balle et la balle a mal. Même la balle, enfin, il entend absolument tout, quoi. Le truc, c'est... Oh oui, pose ta fesse sur moi, des petites fesses, oui. Ok, ça va être chiant. Bah, il y a une scène comme ça où c'est son lit qui lui parle. Hein. Qui lui dit t'as passé une bonne journée, t'es fatigué. Glisse-toi à moi, vas-y, vas-y. Oh, t'es vraiment chiant. On passe ça ici, là-haut. Mais, il est fou, lui. Sinon, oui, par exemple, la balle, c'est parce que la balle dit aux jeunes oui, faut arrêter d'enfoncer les ongles parce que ça me fait mal. Et là, tu te dis mais what? Alors, c'est une balle en caoutchouc, c'est bon, pas vivant. Pas censé être vivant. Mais ça a une âme. Et oui, bah, il pas comme Issam. C'est beau ce que tu viens de dire. Pas comme Issam. Et il réussit à prouver ses pouvoirs à justement un groupe de personnes parce qu'à un moment ils vont. Il y a un saccage qui est fait, ils essaient de trouver le coupable et là c'est là justement qu'il y a une petite enquête où le gamin fait montre de ses pouvoirs et c'est là que tu te rends compte qu'il est un peu surcheaté quand même. Il parle à un mur, qui parle à un chat, qui parle à un oiseau. Ouais, c'est. Enfin, un truc comme ça. C'est complexe. C'est super beau. Sinon, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Le style des personnages, par contre, c'est comme je disais, c'est proche du Hayes. Donc, au niveau des proportions, c'est un dessinateur japonais qui fait des. Il ne pouvait pas se passer un podcast sans qu'on parle proportions. Et ouais, non, mais c'est un style auquel j'accroche pas spécialement de base. Il a fait là, quoi, c'est pas Hayes? Très. Hayes, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'illustrations de personnages. Donc très beau, mais sur les standards japonais. C'est le, donc plutôt c'est un berbe, plutôt filiforme. Ça a servi beaucoup sur les illustrations, sur les avatars de forum RP ou les trucs comme ça, Ace, parce que c'est vraiment spécifique. Bref, c'est trop bien. Whisperer. Oui, Whispering. Ah, oui, c'est Whispering. Bah, c'est Akata aussi, pas mal de trucs comme ça, très feel good, très, très posé, très doux. Un peu comme ce dont on parlait pour Nobinobi. Et voilà, là ça rentre en plein dedans. C'est feel good, mais avec des petits moments assez, assez dramatiques quand même. Ah oui, parce que ça. Il y a de l'émotion quand même. Ouais. Mais c'est marrant, ça me fait penser. Cette histoire de pourquoi ça me fait penser un peu au principe du coming out, quoi, avec la personne qui. Oui, le chat, ça c'est génial. c'est une scène avec un chat. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que le chien, en gros, il a tout le temps la même réplique, et puis le chat, il a l'air un peu plus intelligent, quoi. Donc, donc c'est pour ça que ça a plu à Issam. Tellement réaliste. Si tu dis ça, ça a plu à Issam, quoi. Oui, t'allais dire quoi? Non, rien, je pense, en fait, c'est dur d'en parler, je trouve, parce que c'est vraiment tout posé, faut le lire, quoi. C'est au ressenti, en fait. Ouais, c'est au ressenti. C'est vraiment, ça procure des émotions, et c'est super chouette. Ça sera en combien de tomes? 6 tomes terminés. D'accord. Ouais, ça va, c'est pas une grande série. Comme souvent chez Akata, ouais, c'est plutôt court. Non, vraiment, c'est très très bien. Moi, je vais tout acheter sans hésiter. Ah, voilà qui me fait plaisir. Ah, je crois que c'est bon. Hein. Vache, on n'aura pas passé beaucoup de temps dessus. Bah, en même temps, il n'y a pas grand chose. C'est dur en fait de parler de Whispering, quoi. Ouais, c'est. Ouais. Ça se lit, ça se vit un peu ce truc-là, donc du coup, c'est. Tu peux juste dire, bah, lisez-le. C'est ça. Voilà, lisez-le. On le recommande, je pense. Hein. Ouais. Oui, tout simplement. Je la recommande à 1000%, faut l'acheter. Bon, Issam, est-ce qu'il n'est pas temps de parler de la sortie du mois? Ton énorme coup de cœur. Alors, c'est pas son énorme coup de cœur, c'est mon énorme coup de cœur. Non, mais lui, ça vraiment, il en parle tout le temps, quoi. I Kill Giant, scénarisé par Joe Kelly. Dessiné par Ken Nimura. Édité par iComics. Alors, I Kill Giants, c'est l'histoire de Barbara. Une collégienne introvertie. Ouais, enfin, introvertie et extravertie en fait. Elle est très fermée sur elle-même, très lunatique, qui est à fond dans une passion pour le jeu de rôle. En fait, tellement à fond qu'on a l'impression qu'elle mélange réalité, et imaginaire, parce qu'elle est persuadée qu'elle a pour mission de tuer des géants, et elle se balade toujours avec un petit marteau joué sur elle, dont elle est persuadée que c'est une arme gigantesque qui lui permettra de tuer des géants qui vont venir détruire le monde, voilà. Et c'est une arme gigantesque. Et son le souci, c'est que son comportement déjà fait qu'elle est un peu la pestiférée de son école. Et même ce que ça lui pose problème à tous les niveaux, quoi. Elle est régulièrement punie, on la renvoie régulièrement chez elle. Elle voit la psy scolaire, mais elle n'arrive pas à lui parler, elle ne veut pas se confier à elle. Et chez elle, on découvre vite que c'est compliqué, parce que c'est sa grande sœur qui s'occupe d'elle et de son frère. On sait que le père est parti. On sait que le père est parti, et la mère, on ne sait pas. On n'en parle pas. Mais on sait que la situation est dramatique. Mais on sait que la situation est compliquée, ouais. Et elle commence petit à petit à se faire une amie, mais pareil, c'est surtout cette nouvelle élève qui essaie de se rapprocher d'elle. Ville, ouais. Voilà. Sophia. C'est une voisine, je crois, elle habite pas très loin de chez elle, non ? Ouais, elle habite, c'est une de ses voisines. C'est ça, hein. Mais voilà, même cette amitié est longue à se faire parce que Barbara n'accepte pas réellement le contact de Sophia au début. Elle est vraiment... Enfin, elle est complètement dans son monde. Et petit à petit, on découvre pourquoi. Je vais pas en dire plus parce que... Surtout pour pas. Moi, c'est très important de le découvrir par soi-même. C'est magnifique. C'est vraiment génial. Tant visuellement, c'est... que émotionnellement. Les dessins de Ken Nimura, ils sont dingues. Qu'émotionnellement au niveau du récit c'est super intelligent, c'est super touchant, c'est poignant, c'est bouleversant, c'est plein de choses. C'est c'est pas feel good, hein, on prévient tout de suite. On pourrait se dire le résumé, la petite gamine qui chasse des géants, on pourrait se dire ça va être joyeux, mais carrément pas. Moi je l'ai refermé ce matin, j'étais en larmes, hein, terminant. C'est très dur, vraiment. À chaud de larmes. C'est, ouais, il faut le lire, c'est juste génial. Ouais. Mais on passe par toutes les étapes émotionnelles possibles, je crois, dans ce livre. Mais elle est traitée avec énormément de finesse, l'héroïne, parce que voilà, elle est tour à tour super agaçante, super touchante. C'est Joe Kelly qui signe son chef-d'œuvre. Et puis même Ken Nimura, il y est pour beaucoup, clairement, dans la mise en page du truc. Dans les émotions qu'il donne au personnage, dans les émotions faciales notamment. Non, mais c'est surtout, enfin, je dis Joe Kelly parce que Joe Kelly c'est un vieil auteur de comics, ouais, mais qui a jamais fait de grandes œuvres comme ça. Ouais. Il a bossé des années sur du Deadpool, sur du Daredevil. Il a fait les meilleures années de Deadpool. Ah. Clairement, s'il y a un arc à lire de Deadpool, c'est celui que Joe Kelly a fait. Il a fait du Green Lantern, du Justice League. Il a fait des projets indés, mais ça on sent que c'est personnel, quoi. Ça, on sent qu'il y a du vécu. Ouais, c'est ça, on sent qu'il l'a ressenti, que c'est important pour lui. L'héroïne qui a toujours des oreilles de lapin sur elle. Non, pas toujours, des fois c'est des oreilles de nounours. Ah oui, effectivement, des fois, ça change d'animal. Mais elle est toujours en cosplay. Voilà, c'est lisez-le, vous le regretterez pas. C'est extraordinaire. Alors le film, je l'ai pas vu. Ça vaut le coup de le voir. Ouais, c'est une bonne adaptation. Hein. Ouais, vraiment, c'est une bonne adaptation. L'actrice qui joue Barbara, elle est super poignante et... La fin est... Enfin, c'est trop bien, quoi. Il me semble que le film est produit par Chris Columbus. Ce serait bien le style de truc qui produit. Parce que... Et puis, il y a un petit mot de Chris Columbus à la fin du bouquin. Ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Je crois que je l'ai vu dans le générique. Chris Columbus. C'est limite regrettable qu'il ne l'ait pas réalisé, parce que ça lui irait comme un gant, comme type d'histoire. C'est vrai. Mais disons que ses derniers films sont pas engageants. Ça lui aurait peut-être permis de retourner sur ses pattes, ouais. De retomber sur ses pattes. Mais si jamais, par exemple, vous trouvez pas le livre dans le commerce, ou vous voulez vous faire une idée, le film vaut vraiment le coup, en fait. Il donne autant d'émotions que le bouquin, en fait. Ouais. Mais prenez Oui, prenez le bouquin quand même. Au 44 rue du Jard, à Reims, au gré des bulles. Il m'en reste qu'un seul. Nous en avons fini avec notre sélection. Il est grand temps de passer à la recommandation de Nécro. Alors, donc là, je vais vous parler d'un truc. On entre en sujet plus 18. Là, ce coup-ci, c'est mon tour. Donc, je vais parler d'une personne qui fait de l'illustration à ses heures perdues et qui, pour l'instant, n'a pas du tout été publiée. Ça me rappelle un ami ah, putain, à qui c'est arrivé dans les années 20. Je ne sais pas si vous connaissiez, c'était un excellent peintre. Ouais, je il peignait des sujets fascinants. Il faudra que nous en parlions ensemble une fois. Alors, je pense que vous devinerez quel ami c'est. Vous retrouverez ça sur Internet facilement avec Google Images. Donc là, on va parler... Je lui ai créé un Tumblr et un Instagram. T'es sérieux? Je vais mourir. Il est aussi sur Deviant. Ta gueule. Nous mettrons le lien de son Deviant Artung. Change de vidéo sur le truc là qu'on a fait tout à l'heure et Marc Podcast. Calmez-vous, Hans. Laissez parler Nécro. Donc, il s'agit de Thomas Graphiste, quelqu'un qu'on retrouve donc aussi bien sur Twitter que sur DeviantArt. Et qui fait et qui illustre un personnage féminin majeur, voilà, ça fait du bien par rapport à toutes les merdes qu'on a eues ces derniers temps. Ça fait du bien par où ça passe. et qui exprime quelques fétichismes. Quelques fétichismes. Quelques-uns. Les fétichismes liés à la corde. J'ai pas vraiment vu le portage. J'ai plutôt vu la tenue de latex. Déjà, ça, il y a. J'aime bien ça aussi. les grosses poitrines, il y a aussi. Ouais, femdom. Aussi. Femdom, ok. Fétichisme des pieds. Tarantino aime bien. Moi, j'aime Tarantino pas ça. Aime bien. Surtout les talons, je crois. Lui. Non, c'est vraiment les pieds. Les pieds, ouais. Ah, vraiment le pied. Ouais. Ah, c'est Almodovar, les talons. Almodovar, il en a 36 000 aussi. Enfin, être attaché aussi, c'est un fétichisme d'Almodovar. Et sinon, là, on parle de quelqu'un qui aimerait bien peut-être un jour relier tout ça et en faire quelque chose. Donc pour l'instant, ces œuvres, vous pouvez les voir gratuitement donc sur Twitter et surtout sur son DeviantArt. Alors, pour son Twitter, c'est @thomagraphiste, alors T-O-M-A graphiste, tout attaché en minuscules. Et c'est quelqu'un de vraiment sympathique, sinon. De me rendre, j'ai discuté un petit peu avec lui avant l'émission pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, qu'on parle de lui. Il n'y a aucun problème, vraiment quelqu'un de très cool. Et est-ce que tu sais s'il fait des commissions, des choses comme ça? Alors, des commissions, potentiellement, ça, faudra lui demander. S'il a un Patreon... Alors, non, il n'a pas... Il a songé, mais pour l'instant, il n'a aucune page Patreon, crowdfunding. Mais c'est en futur projet. Ok. Donc, pour l'instant, tout ce qu'il fait, il touche rien dessus. Pour l'instant, il fait juste des trucs, il rentre chez lui et il dessine. Il y a aussi un truc, je sais plus comment ça s'appelle, pour les artistes, où c'est pas tout à fait un Patreon, c'est-à-dire tu payes pas mensuellement, mais c'est tu mets tes dessins ou les reproductions de tes dessins à la vente pour un prix fixé. Alors ça, je savais pas, ça je connais pas. C'est Boulet l'utilise, j'ai totalement oublié le nom du truc. Ouais, je vois ce que c'est. Nine Art ou un truc comme ça, donc, c'est quoi? Une bien belle équipe qui sait de quoi elle parle. En même temps, nous on n'a pas préparé notre sujet, hein. Le prochain épisode, on parle de physique quantique, vous allez aimer. J'ai hâte. On va rien comprendre. Non, mais ça peut être une bonne solution pour les artistes débutants s'ils peuvent à l'occasion vendre. Society 6. C'est possible que ce soit ça, ouais, je crois que c'est ça. Où tu peux faire imprimer tout ce que tu produis comme œuvre d'art sur des t-shirts, sur des mugs, en trousse, en housse d'ordinateur, enfin il y a tout. Ok, trousse. En trousse, ouais. D'accord. J'avais vu ce genre de choses pour Simon's Cat aussi. Y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Tu peux imprimer tes prints, des autocollants, des hoodies, y a tout quoi. Et du coup là, ce qu'il voudrait faire dans un premier temps, d'après ce que tu nous avais dit, c'est plutôt une sorte d'artbook, pas une histoire suivie. Voilà, plutôt un artbook vraiment parce que pour l'instant il y a quelques pages qui font page de BD. Quelques illustrations qui font page de BD avec des dialogues et tout ça, mais il n'y a pas un scénar avec un truc suivi, avec vraiment un fil rouge. Mais lui, il a envie de faire un truc avec du fil rouge, ou faire un recueil sur un thème. Pour l'instant, je pense que c'est un recueil déjà de ce qu'il a fait, donc on verra, mais sinon, moi je suis pour le soutenir, parce que franchement, quand il fait, il dessine vraiment très bien, il a vraiment une très bonne qualité de plume. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà. Vous trouverez les liens dans la description. Oui, voilà. Par rapport à Thomagraphiste. Ouais, on vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Hein. Alors bien sûr, si vous êtes majeur et vacciné. Hein, oui, par contre, oui. Voilà. Ça, on peut mettre le petit avertissement. Mm. Oui. C'est-à-dire que la plupart de ses dessins, bon, c'est du plus 16, mais par contre, il a quelques dessins plus 18, du coup, on bloque. Voilà. Alex n'a pas le droit d'y aller, par exemple. Non. D'ailleurs, il n'est même pas là sur Twitter parce qu'il n'a pas le droit d'y être. Non. Sans l'autorisation de ses parents. Bah, j'ai moins de 13 ans. Hein. C'est ça. Très barbu pour moins de 13 ans. Mais... On le dit souvent. C'est bon, ça peut arriver. Ça peut être une maladie, donc ne faisons pas de réflexion sur ça. Bon, on en a fini avec ce numéro, messieurs. Le dernier numéro de la saison. Nous nous retrouverons en septembre. Si tout va bien, ouais. Si tout va bien. Oui, peut-être. Comme ça, peut-être. Allons, Issam, voyons, un petit peu de motivation, merde. Fin de saison, il y a quelqu'un qui doit s'en aller. Hein, oui, normalement, fin de saison, il y a un personnage qui meurt. Quoi. Bah, normal, quoi. Voilà. Au revoir, Hans. On est enfin débarrassé. Yes. Du coup, Hans, un dernier mot. Eh ben, j'ai hâte de revenir l'année prochaine, car je n'abandonnerai pas. Nous serons toujours là. Donc, Hans, la douche, c'est par là. Hein. Nous serons toujours vivants, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Oui, bah, arrête de te débattre, déjà, et tu vas à la douche. Bon, Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, sur la chaîne YouTube... T'as vu comment il prend sa voix sérieuse pour parler de son business? Le dernier épisode concerne justement des adaptations de manga. On y parle de Dragon Ball, la légende des 7 boules de cristal, et du premier film Kenshin le Vagabond. Et ça a été tourné alors avec Christopher comme acteur. Et où ça? Et à l'équipe technique, il y avait Necro et Alex. Ouais. Et ça a été tourné dans la librairie Au Gré des Bulles, 44 rue du Jard. C'est bon, il me torche tout mon travail, quoi. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, Greensuro. Voilà. D'accord. Necro, pareil. Et ben moi, pareil. Ici aussi, et sur Twitter, @libraire au gré des bulles. Messieurs, est-ce qu'il serait pas temps de dire au revoir et à la rentrée? Au revoir. Bonne rentrée. Bye.